Un peu de nuages. Demain, le changement de temps se confirme lui aussi avec l'arrivée par le sud du pays en fin de journée d'averses qui pourraient être donc orageuses évidemment. Les températures vont commencer à baisser un peu. 28 degrés dans le centre demain, mais déjà 22 dans le sud. Et puis vendredi, là, on passe dans la masse d'air rafraîchie, 19 à 23 degrés. Et samedi, eh bien, on se contentera de 16 à 20 degrés. Vous êtes sur Viva, il est 9h. C'est le moment du journal. Sébastien Pierret, bonjour. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Des milliers d'étudiants reprennent le chemin des auditoires ce matin. C'est la rentrée dans le supérieur. Les cours reprennent dans la plupart des hautes écoles et des universités. Une rentrée un peu particulière pour les étudiants en médecine, ceux qu'on appelle désormais les reçus collés. Ces étudiants qui ont réussi leurs examens de première, mais qui ont été recalés lors du concours. Ils ne savent toujours pas s'ils pourront poursuivre leurs études. On va quand même commencer les cours, on va quand même faire comme si rien ne s'était passé et on verra bien la semaine prochaine. Ça veut dire quoi? Qu'on se prépare comme si on allait entrer en deuxième? Pour ma part, oui. J'ai déjà tout fait, mon planning et tout. Je me prépare comme si j'y allais parce que ça va peut-être augmenter les chances aussi. Une étudiante en médecine de l'université de Namur au micro de Jean-Claude Hénuit. Plusieurs étudiants de cette université ont introduit un recours en justice. La décision est attendue la semaine prochaine. Autre couac de cette rentrée universitaire, les bourses d'études. Qui pourra en bénéficier? Ce n'est pas encore très clair. Les critères ont été revus, mais les UNIF les attendent toujours. En attendant, de nombreux étudiants précarisés doivent avancer l'argent de leur poche pour payer leur cote, leur train et leur syllabus. Autre changement, Sébastien, ce sont les indemnités maladie-invalidité. Dès le mois prochain, elles vont diminuer. Le calcul de ces indemnités va changer. Yasmina Favaro, vous allez nous expliquer ces changements dans un instant, mais rappelez-nous d'abord comment ça fonctionne aujourd'hui. Eh bien, quand vous tombez malade, votre employeur va vous verser votre salaire habituel pour le premier mois. Ensuite, c'est votre mutuelle qui prend le relais et là, elle vous verse une indemnité équivalente à 60% de votre salaire. Et donc, dès le 1er octobre, le calcul va changer. Tous les avantages ne seront plus pris en compte. Oui, ça va raboter. En tout cas, la proposition de Maggie Debloc, la ministre de la Santé, finit de prendre en compte les primes, pas celles de fin d'année, elles n'étaient déjà pas prises en compte dans le calcul, mais plutôt les primes d'ancienneté ou celles liées à la participation aux bons résultats de l'entreprise ou encore les cadeaux en nature ou en espèces. Finit aussi de calculer les heures supplémentaires, à moins qu'elles ne représentent plus de 10% de votre salaire. En bref, vous serez moins indemnisé. Une nouvelle formule qui sera appliquée dès le 1er octobre, pas avant. Elle devrait permettre à l'État de faire des économies. Un rabot qui n'est pas du tout apprécié des syndicats. Merci Yasmina pour ces explications. La direction américaine de Caterpillar accepte de rencontrer le gouvernement wallon et le Premier ministre Charles Michel. La rencontre aura lieu aujourd'hui. Où et à quelle heure? Mystère, c'est secret gardé pour garantir une discussion franche et constructive, dit-on. Pendant ce temps, le personnel de Caterpillar se réunit, lui, en Assemblée Générale. Les travailleurs pourraient décider de reprendre le travail à partir de demain. Ça dépendra de ce que les syndicats leur donneront comme information. L'usine de Gosselies est à l'arrêt depuis l'annonce de la fermeture. Vous l'avez peut-être constaté ce matin à la maison, trop d'enfants brossent encore le petit déjeuner. Un enfant sur cinq part à l'école le ventre vide. Or, le petit déj, c'est le repas à ne pas louper sur la journée. Et pour ceux qui déjeunent, eh bien encore faut-il manger équilibré et correctement. Chantal van der Bremt, diététicienne, met en garde contre le trop de sucre. Un petit déjeuner ne doit pas être trop sucré. Alors on oublie que le pain est une sorte de sucre aussi. Au plus raffiné qu'il est, c'est-à-dire au plus blanc qu'il est et au moins de graines qu'on y retrouve, au plus qu'il réagit vraiment comme un sucre rapide. On rajoute un choco ou une confiture, on rajoute du sucre. Et si à ça on rajoute encore un jus de fruits, c'est encore du sucre. Le souci, c'est que le sucre dans le sang va monter très très vite et très très haut. Effectivement, l'enfant va avoir une sorte d'énergie, c'est ça. C'est du fuel, c'est de l'essence. Le problème, c'est que c'est monté tellement vite, tellement haut, que ça va descendre aussi vite. On est en train de créer des futurs diabétiques de cette façon-là. Chantal van der Bremt, diététicienne avec Yasmina Favaro, privilégiez donc le pain complet, un produit laitier sans sucre ajouté, et un fruit et les tisanes et l'eau plutôt que les jus de fruits donc. Il va encore faire chaud aujourd'hui, on s'attend à de nouveaux records de température, mais revers de cet été prolongé, les orages arrivent. Ils sont déjà là en France, 120 000 foyers sont privés d'électricité en ce moment, 7 départements du sud-est sont en alerte orange. Shimon Peres, toujours dans un état grave, mais ses chances de survie sont plutôt bonnes, dit son médecin ce matin. L'ancien président israélien et prix Nobel de la paix est hospitalisé suite à un accident vasculaire cérébral. Shimon Peres est âgé de 93 ans. Du football maintenant avec le club de Bruges qui entame sa saison européenne ce soir. Un premier match en Ligue des Champions face aux Anglais de Leicester. Les Brugeois qui vivent un début de saison plutôt difficile. Déjà 3 défaites en 6 matchs de championnat et un jeu un peu brouillon. Mais l'entraîneur brugeois Michel Preud'homme se montre tout de même ambitieux. Nous jouons toujours pour gagner un match. Je ne sais pas comment cette rencontre va tourner. Si tu es bon et que tu rates des occasions et que tu partages à la fin, tu as le droit d'être déçu avec le nul. S'ils sont forts et que nous faisons un but partout à la fin de la rencontre, je pense que je serai heureux avec un partage. Ça dépend. Mais bien sûr, à chaque fois que nous aurons le ballon, on va essayer quelque chose. Ne pas donner le ballon à l'adversaire, en tout cas, pas trop vite, j'espère. Michel Preud'homme, l'entraîneur de Bruges avec Ibrahim Brouzakis, Bruges, Leicester, coup d'envoi à 20h45. Un match que vous pourrez suivre en direct sur Vivacité. Hier soir, Barcelone a cartonné 7-0 contre le Celtic, tout comme Bayern, vainqueur à 5-0 de Rostov. L'autre actu foot de la journée, elle se passe en Grèce, à Athènes. L'UEFA se réunit en congrès pour élire son nouveau président. 2 candidats pour succéder à Michel Platini et retrouver un peu de crédibilité. Éric Libois, c'est clair. L'ère Platini est définitivement terminée. L'avantage cette année, c'est que je me doutais un peu que j'allais gagner. Michel Platini aurait bien aimé parler comme en 2011 pour son deuxième mandat, mais son heure est passée. Et il y a urgence depuis la chute de Platoche. L'UEFA n'a plus de pilote et surtout les riches ont repris le pouvoir. La Ligue des Champions a été rénovée à leur profit et le fair play financier, le bébé Platini, vacille. Autre défi, succéder à un nom comme Platini est forcément compliqué, car qui connaît vraiment les deux candidats? Le vieux requin irlandais Michael Van Praag, 68 ans, et le slovène Alexander Seferin, 48 ans, symbole de la génération qui monte. Les deux candidats promettent l'équilibre entre les riches et les pauvres, et des richesses mieux redistribuées, la transparence des comptes, et des mandats limités et rajeunis pour en finir avec les années magouilles qui ont fait tomber Platini et Blatter. Comme la FIFA, l'UEFA a une dette éthique à combler. La Belgique va voter, elle a déjà dit qu'elle le ferait pour le néerlandais. Marqué pas de chance, c'est le slovène qui est donné grand favori. Car Seferin a ratissé large, il a réussi à gagner le soutien des petits pays et des poids lourds comme l'Allemagne, l'Italie, la Russie, la France et le Portugal. Et puis surtout, diront les mauvaises langues, Seferin a le profil parfait pour diriger ce panier à crabes. Il est avocat en droit criminel. Aux Jeux paralympiques de Rio, Joachim Gérard dispute en début de soirée les demi-finales du tournoi de tennis en fauteuil. Et puis en cyclisme, la citadelle de Namur accueille cet après-midi le Grand Prix de Wallonie. Quelques Belges parmi les favoris, Yann Baclans, Tish Benoot ou encore Tim Wellens. Philippe Gilbert, lui, ne sera pas au départ. RTBF Mobile Info, Stéphane Piebeuf fait un accident sur la E19 ce matin. Qui relie Mons à Bruxelles à hauteur du Reux en direction de la capitale. Une bande de circulation est neutralisée, donc en direction de Bruxelles. Des ralentissements engendrés par des travaux aussi dans le Hainaut sur le 42 Mons-Namur. À hauteur de Courcelles en direction de Namur, des files sur 17 km et 40 minutes de retard. Accident sur le 42 qui relie Liège à Namur entre Andenne et Ingeon. La bande de gauche est neutralisée, des files sur 4 km et on ajoute 20 minutes en direction de la capitale wallonne. Et puis toujours des travaux sur le 25 Bastogne-Liège entre Beaufayet et Tilf. Des files sur 5 km plus 15 minutes en direction de la Cité Ardente, sans oublier le chantier de Churade, bien sûr, sur le 40 Aix-la-Chapelle-Bruxelles, où ça ralentit plus 20 minutes en direction de l'échangeur de Longsaint et donc de Bruxelles. Pour rejoindre Bruxelles, justement, on perd encore une vingtaine de minutes sur le 411 en venant de Namur ainsi que sur le 40 en venant de Liège. Les ralentissements sont plus modérés, 10 à 15 minutes sur le 40 qui vient de Gand et sur le 19 qui vient d'Anvers. Et puis un accident sur le ring de la capitale en circulation intérieure à hauteur de Bercelles. La bande de gauche est neutralisée en direction de Grand Bigard. Coup d'œil sur les temps de parcours du ring de Bruxelles. On perd pratiquement une heure entre Ittre et le carrefour Léonard. 25 minutes en circulation intérieure entre Ittre et Grand Bigard suite à cet accident. Et puis on ajoute un quart d'heure entre Grand Bigard et Zaventem pour la circulation intérieure du ring. Blavier, mon partenaire pour construire ma maison. Maison Blavier. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. 9h09 sur la Une et sur Vivacité. Benjamin Maréchal attend vos avis et vos commentaires sur l'actu, et c'est vous qui le dites. Si la chaleur ne vous étouffe pas, petit vent frais de réflexion dans une seconde. Pearl Opticien coupe les prix en deux. 50% de réduction sur toutes les lunettes, verre basique inclus. Ça vous la coupe, hein? Conditions sur pearl.be. Tous les matins, en direct, sur Vivacité, l'actu et les grands débats de société, Benjamin Maréchal vous donne la parole au 070 233 466. C'est vous qui le dites. Trois débats sur la table et un seul à partir de 10h pour aller plus loin. Au 070 233 466, dans 5 jours, tous les commerçants devront signaler à la police les clients suspects qui achètent des produits qui peuvent servir d'explosifs. Est-ce que les commerçants deviennent des balances ou c'est du civisme ? Dès le 19 septembre donc, les commerçants auront l'obligation de signaler les vols, les disparitions ou les transactions suspectes de produits comme l'acide nitrique, le nitrate de potassium, l'acide sulfurique et autres substances susceptibles d'entrer dans la fabrication d'un explosif. Sauf que les commerçants ne sont pas tous emballés. L'UCM estime, l'Union des classes moyennes, estime que ce n'est ni le rôle ni le métier des commerçants de définir qu'un achat ou une attitude est suspecte. Le SPF intérieur prépare, oui, une brochure d'information, mais quel indice peut vraiment permettre de savoir qu'un achat de 5 kilos de clous va servir à fabriquer une bombe. La Ligue des droits de l'homme parle clairement de délation et de dénonciation, du vivre ensemble, on passera à la méfiance. Alors c'est la question pour vous ce matin. Dans 5 jours, tous les commerçants devront signaler à la police les clients suspects qui achètent des produits qui peuvent servir d'explosifs. Est-ce que les commerçants deviennent des balances ou c'est du civisme ? Le montant des allocations maladie va baisser. Magui de Bloch change la méthode de calcul. Quand on est malade sans salaire complet, on peut faire avec combien dans le fond ? Jusqu'ici, l'indemnité, quand on est malade, était calculée sur base du dernier salaire. Disons grosso modo qu'on touchait 60% de son salaire. Eh bien, la ministre de la Santé fait des économies et retire du montant qui sert au calcul, retire les primes d'ancienneté, les primes de participation aux résultats, les primes de tutorat pour former les jeunes, les cadeaux en nature, les bons de paiement, les heures supplémentaires, sauf si elles représentent au moins 10% de la rémunération. Bref, on retire pas mal de choses. Le nouveau calcul démarre le 1er octobre et concerne donc tous ceux qui tomberont malades à partir de là. Une bonne nouvelle quand même, on ne prend plus en compte le dernier salaire moyen pour calculer, mais on remonte d'un trimestre, idéal donc pour ceux qui étaient passés à mi-temps dans les 3 derniers mois. La question pour vous ce matin, le montant des allocations maladie va baisser, Magui de Bloch change la méthode de calcul. Quand on est malade, sans son salaire complet, on peut faire avec combien dans le fond ? Et puis au 070-233-466, la loi sur la garde alternée à 10 ans, on dit qu'elle est l'idéal, mais à partir de quel âge ? On fait des gardes alternées de bébés, point d'interrogation. C'était donc il y a pile 10 ans, l'hébergement égalitaire devenait possible et la loi demandait au juge de l'examiner en priorité dans les cas de séparation. 10 ans plus tard, un enfant sur 3 vit et chez son papa et chez sa maman. Les experts parlent de bilan positif mais se posent encore quelques questions, comme la revue Filiato qui réfléchit à la parentalité. Elle évoque dans un numéro hors série le questionnement autour des gardes alternées de jeunes. Peut-on partager la garde alternée d'un bébé ? La revue estime que le jeune âge de l'enfant ne constitue pas un obstacle. Et vous ? C'est la question donc pour vous ce matin. La loi sur la garde alternée a 10 ans, mais est-ce qu'on peut faire des gardes alternées de bébés ? Zoé Boss, standard ouvert. À mes côtés, Marion Jomotte décroche le téléphone au 070-233-466 et livre au SMS au 3063, 50 cents par message. Ce matin, trois débats dans C'est vous qui le dites, des commerçants qui se transforment en balance, une assurance maladie amoindrie et des gardes alternées pour les bébés. Le débat, c'est vous qui le faites aujourd'hui. D'un pas alerte, Déborah Laurent, journaliste à 7sur7.be et Demetrios Cagliola, rédacteur en chef à Sud Presse, font le débat dans notre studio. Déborah et Demetrio, bonjour. Bonjour. Bonjour. Premier débat sur la table. Dans 5 jours, tous les commerçants devront signaler à la police les clients un peu suspects qui achètent notamment des dispositifs qui peuvent servir à fabriquer des bombes. Est-ce qu'on fait de nos commerçants, Demetrio, des balances ? Non, moi je pense pas du tout qu'il s'agisse de balance, déjà. La Ligue des droits de l'homme dit que c'est de la délation, donc ça équivaut. Oui, hein. Oui, bon, c'est un peu le rôle de la Ligue des droits de l'homme d'être sur ces positions-là. Moi je pense que déjà, ça concerne un nombre de commerçants assez réduit. Et puis moi je pense que c'est pas non plus une mesure qui tombe du ciel. Non, c'est une norme européenne qui d'ailleurs... Qui a été adaptée dans un texte. Et d'ailleurs avec beaucoup de retard et d'amateurisme en Belgique, hein, puisqu'il y a une sorte de jeu de ping-pong entre différents cabinets. Voilà, moi je pense pas que c'est de la délation, je pense que c'est de la sagesse. En tout cas, pour les produits Les substances un peu délicates, bon, pour les clous, ça c'est autre chose. Mais par ailleurs, peut-être qu'on ne va pas encore assez loin avec cet hypocrite. Peut-être qu'il faudrait interdire la vente à des particuliers de toute une série de produits ou de la rendre un peu plus difficile avec ce qu'on appelait naguère les tracasseries. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, ça, on n'y est pas encore à l'interdiction des produits. On est dans ce système de vigilance où les commerçants vont dire. Comment il fait, Déborah, le commerçant? Comment il sait que là, il doit dénoncer, pas dénoncer? Donc il y a cet exemple emblématique du j'achète 5 kilos de clous. Mais il balance ou il ne balance pas? Mais justement, moi, c'est là que ça me pose problème. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce genre de mesures. À un moment, ce n'est pas leur rôle et j'ai un peu peur que ça soit vite à la tête du client. Il y a un feeling, oui, il a l'air bizarre. Mais c'est pas parce qu'on est bizarre ou qu'on a l'air bizarre pour quelqu'un qu'on est bizarre pour un autre et qu'on va forcément faire un attentat terroriste. Donc non, moi je suis pas d'accord avec ça. Je trouve qu'une mesure effectivement qui limiterait la vente de ce genre de produits ou qu'on devrait justifier, je sais pas, par des devis de quelque chose qu'on devrait faire, je sais pas ce qu'on peut faire à part des bombes avec ce genre de produits quand on les met ensemble. Donc voilà, mais je pense que c'est une mesure qui serait plus logique que juste se fier à l'achat d'une personne et puis lier l'achat de cette personne à sa tête en se disant « Ouais, mais en plus, il avait l'air bizarre. » Mais alors, voilà. Que fait le commerçant, Démétrio? Donc, pour éviter les doutes et les drames, il dénonce tout le monde, comme ça au moins, c'est sûr, et la police fait le travail. Ou alors, lui-même, il se fait un travail d'arbitrage en fonction des éléments. Oui, je pense qu'il ne dénoncera pas tout le monde. Moi, je pense que la mesure, elle est bancale, je l'ai dit. Je veux dire, il ne faut pas non plus tomber du ciel. Je veux dire, il y a déjà toute une série de produits qui sont soumises, dont la vente est soumise à un contrôle. Les cartes prépayées, par exemple, dans toute une série de pays, ça va aussi arriver chez nous. Eh bien, il faut donner sa carte d'identité. Mais le commerçant ne doit pas appeler la police pour dire « j'en ai un qui achète une carte ». Non, mais enfin, on pourrait introduire des systèmes, effectivement, où dès qu'on achète ce type de produit, eh bien, on donne ses coordonnées, ses cartes d'identité, et peut-être que là, ça pourrait peut-être servir en back office, en background. Mais c'est moins gênant que cette mesure-là, je trouve. Oui, parce qu'en plus, cette mesure-là, je pense que concrètement, il y aura peut-être bien l'un ou l'autre commerçant qui va l'appliquer, mais voilà, je crois qu'elle n'aura pas beaucoup de succès et que par ailleurs, peu de commerçants vont l'appliquer et qu'il y aura assez peu de contrôle pour voir les commerçants qui contrôlent. Il y a des éléments très concrets. Si j'ai Déborah dans mon magasin, quelqu'un qui fait un gros paiement en cash, donc il m'achète de l'acide ou autre chose, il fait un gros paiement en cash et comme adresse de livraison, il me donne un parking. C'est suspect? Oui, c'est suspect. Ah, c'est suspect. Bah, c'est évidemment, on a tous le droit de trouver certaines choses un peu. Mais voilà, on peut trouver ça suspect, mais je trouve que c'est pas aux commerçants de gérer ça. Donc effectivement, un contrôle d'identité, une explication officielle selon devis de ce qu'on va faire. Après, les gens suspects, il faut pas oublier quand même qu'il y a des femmes qui ont été arrêtées à Paris. A priori, on s'attend pas à ce que des femmes maintenant deviennent terroristes. Donc du coup, tout le monde est personne maintenant. Enfin, tout le monde est suspect, quoi. Donc on va pas s'en sortir. On demande un avis à Liège. Luc en ligne. Bonjour. Bonjour. Dans 5 jours, tous les commerçants devront signaler à la police les clients suspects qui achètent des produits qui peuvent servir d'explosifs. Les commerçants deviennent des balances ou c'est du civisme? Bon, c'est du civisme pour moi. À partir du moment où un citoyen est le premier rempart de tout ce qui se passe à l'heure actuelle, ça me paraît tout à fait logique. Oui, mais les commerçants, ils disent d'eux-mêmes, on n'est pas outillés, monsieur. Moi, c'est l'UCM qui dit ça. Nous, on n'est pas capable de savoir qui est bizarre, qui n'est pas bizarre. On fait du commerce, nous, on ne fait pas du profiling. Non, ok, mais à partir du moment où on achète, je sais pas moi, 100 litres d'acétone, ben, on peut au moins se poser la question du pourquoi, poser des questions. S'il y a erreur, qu'est-ce qui se passe si le commerçant dit c'est bizarre, appelle la police, et qu'en fait il y a erreur, qu'est-ce qui se passe? Ben, il y a erreur, c'est comme un contrôle d'identité, il y a erreur, point barre. Enfin, ça me paraît tellement évident, c'est comme si on allait louer une voiture, si on a un casier judiciaire gros comme une maison, on loue par la voiture. À l'heure actuelle, je pense que le premier rempart, c'est le citoyen, les commerçants, la personne à la caisse, ça me paraît... Mais évident. Vous comprenez que le commerçant, ils disent « moi, j'ai pas envie d'altérer ma relation commerciale avec des clients potentiels, donc je vais en balancer un croyant que je fais une erreur, tant pis, il y a erreur. Il y a un risque que le client ne revienne plus jamais. » Oui, bien sûr que ça peut engendrer, mais s'il explique bien la situation, j'imagine que son citoyen ou son ami en face ou la personne qui est en face va bien comprendre sa démarche. Donc erreur, ça fait partie du jeu, c'est du civisme, Luc, me dites-vous. On verra avec les commerçants et les non-commerçants si vous souhaitez cette conversation plus longuement. Je termine autour de la table. Démétrio, est-ce qu'on doit maintenant former nos commerçants, puisque la mesure est là? Est-ce qu'on doit former nos commerçants et leur apprendre à repérer les bizarres? Moi, je pense qu'il faut les former pour effectivement savoir se peut-être pas détecter les bizarres, mais en tout cas les comportements bizarres. Je veux dire, il faut pas non plus faire les naïfs. On n'est plus du tout dans une époque de bisounours. Il y a effectivement des gens, de plus en plus, hein, c'est arrivé, qui ne nous veulent pas forcément du bien. Et peut-être qu'il faudrait, pour certains de ces produits, les soumettre à une législation, comme pour la vente d'armes, par exemple, où effectivement, il y a toute une série de conditions assez sévères. Et vous êtes sûr que le terroriste, il va vraiment aller au Brico acheter 100 litres d'acide nitrique ? Oui, en fait, je pense qu'ils sont peut-être pas fort malins, mais que de là à aller acheter tout ce qu'ils ont besoin pour leur bombe au même endroit et en grosse quantité, à un moment, ils essayent quand même de ne pas attirer l'attention. Donc je pense qu'on n'arrive pas en achetant 100 litres comme ça. Donc. Ce serait la limite alors de cette demande. Dans 5 jours, tous les commerçants devront signaler à la police les clients suspects qui achètent des produits pouvant servir à fabriquer une bombe. Les commerçants deviennent-ils des balances ? Dans un instant, deuxième débat sur la table. Le montant des allocations maladie va baisser. Avec combien on peut faire, dans le fond, quand on n'a pas le salaire complet? Ensuite, la loi sur la garde alternée a 10 ans, mais est-ce qu'on peut faire des gardes alternées de bébés? Et puis 10h45, la question qui dérange. La FEF demande un contrat de bail type obligatoire qui permettrait aux étudiants de sous-louer le logement. Mais est-ce que c'est dangereux pour le bien du propriétaire de permettre la sous-location? Je loue à quelqu'un qui reloue. C'est vous qui dites, vous donne la parole. En direct, au 070 233 466. Par SMS 3063, 50 centimes par message. Bientôt temps de choisir ma nouvelle voiture. J'ai vraiment envie d'autre chose. Profiter des dernières technologies. Ce Pilot Assist de série dans la nouvelle Volvo S90 par exemple. Il adapte automatiquement ma vitesse au véhicule qui précède et m'aide à rester bien au milieu de ma bande. La sécurité, ça compte pour moi. Et le design, pur, parfait. La nouvelle Volvo S90. Essayez-la durant les journées découvertes. Jusqu'au 17 septembre, chez votre distributeur Volvo. Koa Koa, Koa se la grenouille. L'été bientôt là, elle remontre sa bouille. Pédale Lucien au milieu des boas. Comme tu te sens bien, Koa Koa. Visqueuse grenouille. Lucien glisse et son vélo crie ouille. Tu t'es fait battre, Lucien, par un batracien. Voilà pourquoi les AP Assurance vous proposent l'assistance vélo. Une assistance 24 heures sur 24 pour toute la famille à 60 euros par an. Plus d'infos sur lap.be. Les AP Assurance, toujours à vos côtés. Ceci est un produit d'assurance d'AGA International SA Belgian Branch. Moi, je suis le préservatif. Avec moi, vous vous protégez et vous protégez les autres. Moi, je suis le test de dépistage. Grâce à moi, vous savez si vous êtes infecté par le sida ou par une infection sexuellement transmissible. Et moi, je suis le traitement. Je vous soigne et je peux vous permettre de ne plus être contaminant pour votre partenaire. Préservatif. Dépistage. Traitement. Ensemble, nous sommes les bons réflexes pour vous protéger du sida et des infections sexuellement transmissibles. La prévention évolue. Renseignez-vous sur lesbonsreflexes.org avec le soutien de la Wallonie et de la COCOF. Bienvenue au driving de Renault Motors. Et pour monsieur, ce sera ? Oui, je voudrais la chicken nouvelle Renault Clio, s'il vous plaît. Et comme boisson ? Une grande garantie, arrosée d'une assistance. Un dessert ? Un bouquet d'entretien et durant 5 ans, s'il vous plaît. Dans un compte ? À partir de 139 euros par mois ? Ah, mais c'est parfait, ça ! Bien, monsieur, vous pouvez avancer vers votre concession Renault Motors la plus proche. Partout dans le Brabant Wallon. Viva Bruxelles est là de présente, Bruxelles Champêtre. Participez à la plus grande fête urbaine et citoyenne le dimanche 18 septembre. Dans le Parc Royal, rencontrez plus de 100 producteurs locaux et petits brasseurs. Laissez-vous tenter par des animations des plus insolites. Vous n'aurez pas assez d'une journée pour tout découvrir. Info sur bruxelleschampêtre.be avec le soutien de la région de Bruxelles Capitale. La Pro League, la Coupe de Belgique, la Champions League, l'Europa League, les Diables Rouges. Vivacité, le top du foot, c'est chez nous. Chaque matin, Benjamin Maréchal vous donne la parole. C'est vous qui le dites. On commente l'actualité avec vous, avec Démétrios Kegliola, rédacteur en chef adjoint Sud Presse, Déborah Laurent, 7 sur 7.be. Voici le deuxième débat sur la table. Le montant des allocations maladie va diminuer. Maggie de Bloch change la méthode de calcul. Avant de nous dire, quand on est malade, sans son salaire complet, avec combien on peut faire, dans le fond, d'abord un positionnement. Donc ici, jusqu'ici, grosso modo, on avait 60%. Mais pour calculer ce qu'on aura en étant malade, ben on enlève du salaire maintenant l'ensemble des primes, les heures supplémentaires. Bref, tout ce qui permettait de gonfler un peu le montant. C'est de bonne guerre, partant d'économie, Déborah ? Les primes, je peux encore imaginer, mais les heures supplémentaires, ça reste du travail, donc non, je suis pas d'accord. Sauf pour les heures supplémentaires, si elles représentent au moins 10% de la rémunération. Est-ce que c'est une très mauvaise nouvelle pour les malades, ceux qui tombent sous mutuelle, Démétrio ? Mais je pense que c'est plus compliqué que cela. Hein. Donc, soyons clairs, c'est une mesure à la fois d'économie et c'est aussi une manière pour le gouvernement, on va dire MR, NVA, OpenVLD, de dire que l'État paie providence. C'est pas fini, mais on réduit la voilure. Ceci dit, ils savent pas combien d'économies ça va faire. Ils savent que ça en générera, mais ils savent pas combien. Ils le savent très très bien, croyez-moi. Ils l'ont pas dit, mais ils ont des logiciels, parce que toutes les entreprises savent faire ça. Alors effectivement, pour le malade, il y a un problème, parce qu'effectivement, 60%, c'est déjà limite. Hein, c'est déjà limite, 60%. C'est vrai qu'il y a toute une série de petites dépenses qu'on n'a pas, peut-être la crèche, ou les transports, je ne sais pas quoi, ou le repas sur le temps de midi. Mais je veux dire, il ne faut pas tout jeter dans cette mesure. Il y a quand même des choses qui sont pas mal, parce que, un, il ne faut pas se voiler la face, il y a des exagérations, il y a des abus, hein, et il y a aussi des gens qui finalement se complaisent dans une situation un peu difficile et puis dont ils ne savent plus sortir. Vous savez, quand vous êtes malade pendant des mois, des années, et je veux dire que ce n'est pas une... Oui, c'est une maladie, on va dire, plutôt psychologique, un burn-out, ce genre de choses, même si c'est tout à fait sérieux. Eh bien, c'est extrêmement difficile après de retourner sur le marché de l'emploi, en tout cas dans l'entreprise. Or, si j'ai bien compris dans ce que propose Maggie de Bloch, il y a à la fois des gens qui vont venir plus régulièrement contrôler, donc ça c'est pour la chasse aux abus, mais il y a aussi, il y aura des gens, des médecins qui vont vous accompagner dans le retour au boulot, et ça je trouve que c'est super intéressant. Ah, ça c'est l'enjeu du gouvernement, et remettre les gens au travail dans des conditions valables. Je reviens quand même sur les chiffres, Déborah. Jusqu'ici, donc, quand on tombait malade, on arrivait à 60% de son salaire, donc on sera probablement en dessous de ça, on sera peut-être à 50% ou à 40% du salaire. Ça devient compliqué ? Mais bien sûr, déjà 60% quand on est vraiment malade, là je parle pas des gens qui abusent, parce qu'effectivement je pense que la mesure c'est ça aussi, c'est pour éviter les abus. Ceux qui sont vraiment malades, c'est un peu double peine, quoi. En plus, ils ont du mal justement à payer les frais de santé, parce que tout ça, avec 60% du salaire, on n'y arrive pas forcément. Les frais habituels, un loyer, un prêt à rembourser. Donc oui, 60%, c'est déjà peu quand on est vraiment malade. Moi, je pense que la mesure, elle devrait s'appliquer. Voilà, quand quelqu'un tombe vraiment malade, il devrait avoir son salaire complet pendant un mois ou deux, le temps de s'organiser, de se retourner, Il l'a pendant un mois. Un mois, oui, c'est peut-être. Est-ce que c'est assez long? Je ne sais pas. Je me pose la question quand on a. Ça dépend de la maladie, évidemment, mais quelqu'un qui a un cancer qui se retrouve avec 60% de son salaire, c'est vraiment double peine, quoi, pour moi. Un mot sur la nouvelle méthode. Donc, jusqu'ici, pour calculer ce qui vous restera, on prenait en compte le dernier salaire moyen. Maintenant, ce n'est pas ce salaire-là qu'on va prendre, c'est celui du trimestre d'avant. Il y a un piège là-dedans, Déborah? Non, ça justement, je trouve ça bien, parce que si on tombe malade, peut-être qu'au début, on ne prend pas tout de suite congé de façon prolongée et tous les jours, mais qu'on passe à mi-temps, trois quarts temps, parce qu'on a du mal à faire toutes nos journées de travail. Donc je pense que ça, c'est plutôt une bonne chose. Et un piège là-dedans, Démétrio? Donc on ne prend pas le dernier salaire, celui d'avant? J'aurais envie de dire que oui. Il y a un piège? Franchement, il y a peut-être bien un piège. Mais bon, voilà, j'ai pas analysé le texte en profondeur. Peut-être qu'on peut, pour une fois, trouver que le gouvernement fait les choses de manière... Enfin, des gouvernements en général, hein, je ne dis pas celui-ci, ne cache pas derrière une mesure un peu tarabiscotée, un piège. Ça attend très très vite aussi. Quand on parlait d'abus, il y a aussi des abus de la part des employeurs aussi. Quand on parlait d'abus, il y a aussi des abus de la part des employeurs. Il y a des employeurs, finalement, qui sont très bien dans la situation. C'est-à-dire qu'après un mois, on ne paye plus. Et donc, finalement, qui paye pour ces gens? C'est, bah, la collectivité. C'est la collectivité. On va demander un avis à Benezet. Eric, bonjour. Oui, bonjour Benjamin. Le montant des allocations maladie va baisser puisque Maggie de Bloch change la méthode de calcul. Vous êtes en arrêt maladie depuis combien de temps, Eric? Ben, moi, ça fait plus ou moins 10 ans que je suis sur l'invalidité. Vous souvenez du premier moment? Donc, quand vous tombez en maladie, vous gagnez combien à ce moment-là? Il y a 10 ans, je ne sais pas, c'était peut-être plus ou moins 1000, 1050. Et vous avez perdu beaucoup? Vous vous souvenez avoir perdu beaucoup entre le moment travail et le moment maladie? Bah oui, quand même, j'ai perdu plus ou moins 400 euros déjà. C'est un gros montant, ça? Bah quand même, parce que quand on tombe en maladie, en plus, on a les médicaments. Alors, je voudrais votre avis sur ce qui va se passer ici, Eric, puisque vous êtes concerné. Donc jusqu'ici, on calculait ce qui nous reste à nous les malades sur base du salaire complet. Mais maintenant, on ne va plus prendre le salaire complet, on va enlever de ça les primes, les heures sup, les primes qu'on a pour former des jeunes. Bref, le montant sur lequel on va calculer sera plus petit. C'est grave? Oui, à mon avis, personnellement, je pense que c'est très grave, parce que soit elle est très intelligente, soit elle a des très bons conseils, mais elle fait tout pour que l'État récupère de l'argent. Elle a commencé par vouloir virer les autres, la mutuelle. Donc, je crois qu'elle continue sur sa lancée. Et... Mais une mesure comme celle-là, si quand on est en maladie, si quand on est en maladie, on gagne moins, ça va pousser les gens à revenir au travail ou pas ? Non, je ne pense pas. Ça ne fera qu'aggraver les choses. Ça ne fera qu'aggraver, ça ne les remet pas au travail. Alors, je fais tour de table là-dessus. Démétrio, rapidement, est-ce que ça va pousser ceux qui gagnent moins en maladie à retourner bosser ? Je pense que ceux qui sont vraiment malades, ça ne fera rien du tout, ça ne changera rien. Par contre, effectivement, il y a une zone grise de gens qui pourront se dire « Bon, ok, là, c'est quand même la perte sévère, je prends sur moi et je retourne au boulot. » Il y a un coup à jouer, ça va les remettre au travail, ceux qui gagnent moins en maladie ? Je suis tout à fait d'accord avec Démétrio. J'ai rien d'autre à rajouter. Ceux qui sont effectivement dans l'abus et qui se disent qu'ils profiteraient bien un peu du système, ils vont peut-être se dire ah, je profiterais bien du système, mais si j'ai pas assez d'argent, il faudrait quand même que je retourne bosser. Et ceux qui sont vraiment malades, à un moment, on est vraiment malade, on sait plus aller travailler. Donc pour eux, ça changera rien. Dernier élément, votre seuil. Donc entre le moment travail et le moment maladie, on peut aller en dessous de 50% du salaire ou c'est exagéré, Démétrio ? Moi, je pense que c'est vraiment... C'est pas possible. C'est pas possible. Non, c'est juste pas possible. 50%, bon, sauf si on gagne vraiment beaucoup, beaucoup d'argent. Donc, il en restera beaucoup. Mais vous savez, le salaire moyen en Belgique, il n'est pas élevé. Hein. Donc, si vous enlevez 50% à salaire moyen, je crois qu'on est même sous le minimex. Donc, franchement, on voit que ça pose problème. On peut enlever combien de pourcents du salaire pour vous, Déborah ? 10%, 30%, 40%, Je trouve déjà que gagner 60% de son salaire, c'est rêche. Donc, du coup, moi, je dirais... Vraiment maximum 25, quoi. Maximum 25 ouais. À enlever. Le montant des allocations maladie va baisser puisque Maggie de Bloch change la méthode de calcul. Quand on est malade sans son salaire complet, dans le fond, on peut faire avec combien ? Dans un instant, le troisième débat sur la table. La loi sur la garde alternée à 10 ans. On dit qu'elle est l'idéal, mais à partir de quel âge ? Est-ce qu'on peut faire des gardes alternées de bébés ? Et puis la question qui dérange à 10h45. La Fédération des étudiants demande un contrat de bail type obligatoire qui permettrait de sous-louer son logement. Permettre de sous-louer d'office, par défaut, automatiquement. Est-ce que c'est dangereux, ça, pour le bien du propriétaire ? Sous-louer. C'est vous qui le dites, vous donne la parole. En direct, au 070 233 466. Par SMS, 3063, 50 centimes par message. On n'est pas des pigeons, vous non plus ? Alors rendez-vous dès 11h sur Vivacité. Entrepreneur et responsable d'achat. Vous qui, depuis des années, travaillez dans une relation win-win, découvrez quelque chose de plus grand, de plus fort, de plus gratifiant. Grâce à 1500 ouvriers handicapés qui maîtrisent 60 métiers, dans l'impression, l'assemblage, l'emballage, le mailing, le jardinage et tant d'autres, vous allez maintenant découvrir le win-win-win. Une nouvelle perspective où vous êtes gagnant, où les travailleurs handicapés sont gagnants et où votre entreprise est gagnante. Faites appel aux entreprises de travail adaptées bruxelloises. Entrez dans l'ère du win-win-win. Retrouvez nos valeurs et nos services sur onsadapte.be. Sprite. Du pur rafraîchissement et puis c'est tout. Sprite, born to refresh. Mon collègue Patrick m'a invité chez lui il n'y a pas longtemps. Et c'est parti, salut. C'était vraiment bizarre. Je te sers un petit apéritif, magnifique. D'ailleurs, tout le monde trouve ça bizarre. Et les enfants, ça va. Allez, c'est vrai quoi, ne pas chauffer sa maison au gaz, c'est quand même bizarre. Ok, sa rue n'est pas connectée au réseau de distribution, mais alors t'appelles Primagaz, comme tout le monde. Profitez-vous aussi du meilleur du gaz. Devenez client. Surfez sur primagaz.be pour un avantage de 200€ et l'installation gratuite de votre citerne. Primagaz, le meilleur du gaz, là où le voulez. Il était une fois Baba, Ali Baba. Il habitait une grotte au milieu du désert. Oh, crotte, zut, j'ai encore oublié le code pour sortir d'ici. Eh oui, même dans les comptes, l'accès à une boîte aux lettres est parfois compliqué. Vaza, m'ouvre-toi ! Instagram, ouvre-toi ! Crotte, c'est pas ça. C'est alors que Parthenamut inventa des solutions digitales pour permettre d'envoyer ses demandes de remboursement à l'assurance complémentaire via son smartphone ou son PC. Ah ouais, ça le fait, ça! Rendez-vous vite sur parthenamut.be/connect ou sur votre plateforme d'application préférée pour les télécharger. Parthenamut, on vous simplifie la santé. Seconde vie à vos vieilles chaussures. Apportez-les jusqu'au 18 septembre chez Brentano. Vous recevrez pour chaque paire un bon de réduction de 12,50€ et vous soutiendrez une bonne cause. Brentano. Info et magasin ouvert ce dimanche, brentano.be. Pendant les BMW Innovation Deals, il y a déjà une BMW Série 1 Edition à partir de 21 950€. Profitez-en jusqu'au 15 octobre. Chaque matin, Benjamin Maréchal vous donne la parole. C'est vous qui le dites. Troisième débat sur la table et vos appels nous diront ce qu'on fait dans la deuxième partie avec Démétrio, Sud Presse, avec Déborah, 7 sur 7.be. Un anniversaire, la loi sur la garde alternée a 10 ans. Ça fait 10 ans qu'on demande aux juges de privilégier d'abord la garde alternée. Même temps chez papa, même temps chez maman. Et ça marche plutôt bien de la vie générale. Reste quand même 10 ans après quelques interrogations autour de l'âge idéal. Est-ce qu'on peut faire, Déborah, des gardes alternées de bébés? Ou ça, c'est la faille dans le truc, ça, garde alternée, ça ne marche pas? Non, moi, pour moi, on peut faire des gardes alternées de bébés. De bébés à partir de quel âge ou jusqu'à quel âge? Bah, de bébés, en espérant évidemment que les parents ne divorcent pas dans les trois mois après la naissance. Mais voilà, moi, j'ai un petit bébé de 9 mois, je vois qu'il a autant besoin de son papa que de moi, que quand... Même quand je suis là, parfois, c'est le papa qui réclame, donc il n'y a pas de raison. Un enfant est autant attaché, je pense, à sa mère qu'à son père. Si les deux peuvent le nourrir, en prendre soin et l'aimer, moi, ça ne me pose pas de problème. Il y a l'attachement des Démétrio, il y a cette petite mélodie qui dit que l'enfant, très très jeune, le bébé, a vraiment beaucoup plus besoin de sa maman, parce qu'elle lui apporte quelque chose d'autre et de plus fort à ce moment-là. Je pense que c'est vrai, mais il n'y a pas que l'affect. Je pense effectivement que le bébé a besoin de la maman, surtout très jeune, mais aussi du papa. Voilà, moi, le mien, on va raconter nos histoires personnelles, 2 ans et demi, la maison de sa maman et de son papa. Mais je pense que ce sont les repères qui sont importants. Les repères dans une maison, les repères au cours de la journée. Et je pense effectivement qu'en dessous de 3 ans, c'est possible, mais je pense pas, bon, je suis pas psychologue, mais je pense que c'est quand même plus compliqué que sous les 3 ans, un enfant soit une semaine chez maman, une semaine chez papa, dans 2 maisons différentes. Alors peut-être que je me trompe, c'est possible, mais je me dis, voilà, quand je vois autour de moi et mes cas à moi, je me dis peut-être que dans les premières années, ils ont besoin d'une plus grande stabilité dans leur univers. Vous êtes le premier à donner un âge charnière. À 3 ans, donc, c'est le premier âge charnière. Déborah, en dessous de 3 ans, c'est pas possible. Mais non, moi justement, j'ai tendance à penser que en dessous de 3 ans, on peut encore les changer facilement de crèche. Quand on déménage, a priori, on les réadapte très vite. C'est encore des bonnes pattes, quoi, je trouve, à cet âge-là. En tout cas, les bébés. Après, c'est vrai qu'à partir de 2 ans, 2 ans et demi, quand ils commencent vraiment à communiquer, il faut commencer à expliquer des choses qu'ils ne comprennent pas forcément. Donc, je veux bien imaginer. Je mettrais plus 2 ans que 3. Deux s'il faut ans. Donner un âge. Ok, bah alors on joue sur les âges. Dans le fond, ce que ça veut dire, Démétrio, qu'il vaut mieux le faire assez tôt. Vous connaissez ce problème des couples qui hésitent à se séparer parce que les enfants ont tel âge, on n'ose pas. Ça veut dire quoi? Qu'il vaut mieux alors se séparer en dessous de 3, en dessous de 2, que quand l'enfant a 5 ans, là c'est plus compliqué, la Moi, garde alternée. Je pense qu'il vaut mieux ne pas se séparer. Bien hein, sûr, c'est le romantique évidemment. En vous qui parle. Non, c'est le pragmatique et le romantique aussi. Mais je pense qu'après, il ne faut pas commencer à calculer vous savez, voilà, les couples qui sont en crise, à un moment donné, quand la crise est vraiment aiguë, ben on se dit pas, il faut encore attendre. Si, il y en a qui le font, mais c'est sans doute que c'est pas si aigu que ça. Mais puis après, si à un moment donné, ça explose, parce que dans pas mal de cas, ça explose, c'est pas un truc qui vient comme ça, progressivement. Ben là, il faut prendre une décision. Même chose, il vaut mieux le faire plus tôt que tard. C'est pas une question d'âge des enfants. On se sépare quand on ne s'aime plus et qu'au quotidien, ça devient invivable pour tout le monde. Il vaut mieux un enfant dans une garde alternée qui se passe bien, avec des parents qui communiquent même s'ils vivent plus ensemble, que 2 parents qui peuvent plus s'encadrer et qui font monter la voix à chaque repas, quoi. On va demander un avis à Fléron. Christelle, bonjour. Bonjour. Et vous êtes donc séparés. La loi sur la garde alternée a 10 ans, on dit qu'elle est l'idéal. Mais à partir de quel âge? Depuis quel âge votre fils est partagé entre papa et maman? Depuis l'âge de 6 ans. C'était trop tôt? Je pense qu'avant, avant, ça aurait été trop tôt parce qu'il en avait, enfin, il avait besoin de moi, je le voyais bien. Et puis à partir d'un certain moment, j'ai vu que son papa lui manquait énormément, étant donné qu'il ne le voyait que 4 jours par mois. C'était vraiment trop peu. Il était très difficile, du fait du divorce aussi, ça a été un moment très difficile. Mais il était très difficile, enfin, grincheux, difficile pour dormir, enfin, plein de choses. Et pourquoi avant 6 ans, il avait à ce point besoin de vous? Parce que vous entendez Démétrio et Déborah, on est sur un âge charnière de 2-3 ans. Hein. Vous me dites 6. Moi, c'était mon ressenti personnel. Donc, voilà, mon ressenti, c'était que mon fils avait besoin de moi. Je le voyais, c'était toujours un maman, maman, maman. Et voilà, c'est comme ça, je le sens. Et comment voilà. Vous avez senti que le besoin de papa se faisait sentir? Comment ça s'est marqué? Le fait qu'il était difficile, il demandait quand même pas mal après son papa, même si c'était beaucoup maman, il demandait quand même beaucoup après lui, les semaines où il n'y était pas. Et donc du coup, avec son papa d'un commun accord, on a décidé de faire la garde alternée, d'essayer au départ donc de voir si ça fonctionnait bien. Et on a vu un changement énorme dans son comportement. Il a été beaucoup plus calme, beaucoup plus épanoui. Il y a eu un effet. Alors je note vos 6 ans, Christelle, puisqu'on essaiera de trouver le bon âge si la conversation s'impose dans la deuxième partie. Je termine très rapidement autour de la table. Démétrio, rapidement. Donc comment ils font les juges, puisqu'on voit que votre âge charnière, c'est 3 ans. Déborah, elle dit 2 ans. Et Christelle dit 6 ans. Pour un juge, c'est difficile, du coup, de privilégier cette piste-là. Moi, j'ai beaucoup de respect pour le travail des juges parce que c'est pas évident, mais ce sont généralement de grands professionnels qui analysent vraiment très très bien la situation et qui donnent ou qui prennent la décision qu'ils espèrent être la plus équilibrée. Je pense voilà, qu'il n'y a pas une recette miracle, mais selon les différents cas, je pense que le juge apprécie et décide. C'est compliqué quand même, on dit au juge, privilégier cette garde alternée, mais on voit bien que sur l'âge, on chipote. Mais on chipote. Après, une garde alternée, on a tendance à dire l'enfant a besoin de sa maman. Ça ne veut pas dire qu'en fait, quand il est chez papa, maman ne peut pas passer si l'enfant a besoin d'un câlin. Évidemment, il ne faut pas que ça soit tout le temps, mais si les parents s'entendent bien, une garde alternée, décidément, peut très bien se passer. Et les parents, voilà, si l'enfant veut aller jouer au foot avec son papa un mercredi après-midi et que le papa est disponible, même s'il dort chez la maman, pourquoi ne pas le faire? Il faut en fait que les parents s'entendent bien. Un avis d'homme et de femme, à vous de donner le vôtre maintenant. Déborah Laurent, Démétrios Cagliola, bonne journée tous les deux. Bonne journée. Bonne journée. C'est vous qui le dites au 070 233 466 et par SMS 3063. 50 centimes par message. Dans 5 jours, tous les commerçants devront signaler à la police les clients suspects qui achètent des produits qui peuvent servir d'explosifs. Les commerçants deviennent des balances ou c'est du civisme? Ensuite, le montant des allocations maladie va baisser. Maggie de Bloch change la méthode de calcul. Quand on est malade sans son salaire complet, on peut faire avec combien dans le fond? Et puis la loi sur la garde alternée à 10 ans, on dit qu'elle est l'idéal, mais à partir de quel âge est-ce qu'on fait des gardes alternées de bébés? 070 233 466 et par SMS au 3063. Chimay nous appelle. Alain, bonjour. Oui, bonjour. Dans 5 jours, tous les commerçants devront signaler à la police les suspects, les bizarres. Vous qui avez tenu une droguerie pendant 30 ans, vous aviez repéré des clients bizarres? Oui, j'expliquais tantôt que, régulièrement, j'avais notamment des jeunes, des collégiens, des étudiants à l'Athénée, qui venaient par exemple m'acheter des kilos de colle Patex, par exemple, tout ça parce qu'il y avait du trichloréthylène dedans. Et ils sniffaient la colle. Pardon ? Ils sniffaient la colle. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que un jeune arrive me demander un kilo de colle. Or, un kilo, c'est déjà énorme. Puis un deuxième, puis un troisième. Je dis, bon, il y a un problème. Alors Alain, est-ce que les commerçants doivent maintenant appeler la police ou ça en fait des balances? Appeler la police, je n'irai pas jusque-là, mais disons que... Mais ils doivent. Je me suis rendu compte. Pardon? Ils doivent. Dans 5 jours, tous les commerçants devront appeler la police. Oui, moi j'ai arrêté il y a 10 ans. Oui, mais donnez un avis pour ceux qui sont encore en route. Avec votre expérience, Alain, donnez un avis pour ceux qui sont commerçants aujourd'hui. Ils doivent appeler la police ou ce n'est pas leur travail? Disons, ce n'est pas leur travail. Disons que le professionnel doit se méfier et réagir. Moi, j'ai réagi, donc j'ai refusé de vendre cette colle. Et alors, un deuxième exemple, on venait me chercher à l'époque de l'anti-herbe Total, qui contenait du chlorate de soude. Un kilo, deux kilos, ça devient quand même bizarre. Et c'était bien sûr pour fabriquer des pétards, des artifices, etc. Mais donc, si vous aviez été encore en service, les terroristes, vous les auriez repérés à plein nez? Ah, à l'époque, oui. Donc moi, j'ai commencé en 1975 et j'ai arrêté en 2006. Et vous auriez appelé la police à l'époque pour ça ou pas? Quelqu'un de suspect, peut-être, oui. Peut-être. Ah, parce que je vous demande si les commerçants doivent appeler la police. C'est ça l'enjeu de la conversation. Et est-ce que ça en fait des balances s'ils appellent? RTBF Mobile Info, Stéphane. Ça se passe mieux sur le 19-11 Bruxelles, hauteur du Reux. L'accident n'est plus signalé en direction de Bruxelles, mais les fils persistent et non loin de là. Ce sont des travaux qui vont ralentir sur le 42 Mons-Namur, hauteur de Courcelles en direction de Namur. 7 km de ralentissement et toujours 25 minutes supplémentaires. C'est la fin de l'accident sur le 42 Liège-Namur à Andenne. La chaussée est dégagée, mais les fils sont toujours là. On perd encore une petite demi-heure en direction de Namur. Et puis en province de Liège, c'est le chantier de Cherat qui vous ralentit entre Bleuny et l'échangeur. majeur de Loncin. Vous ajoutez un petit quart d'heure à votre temps de parcours. Ça se passe mieux hein, pour rejoindre Bruxelles. On perd quand même 10 à 15 minutes sur le 411 qui vient d'Amur entre Voreil et Léonard. Vous perdez également quelques minutes sur le 40 qui vient de Liège à partir de Sterrebeek, ainsi que sur le 19 qui vient d'Anvers entre Zemst et Mechelen. Toujours cet accident sur le ring de la capitale en circulation intérieure à hauteur de Bercel. La bande de gauche est neutralisée vers Grand Bigard et un accident se serait produit dans les files. Ce n'est pas confirmé dans la bande du milieu, donc forcément c'est assez problématique sur ce ring de la capitale où on perd entre Ittre et Grand Bigard pratiquement une heure à l'heure actuelle en circulation intérieure. Et en circulation extérieure, là où on perd le plus de temps, c'est entre Ittre et le Carrefour Léonard, ajouté 33 minutes. Blavier, mon partenaire pour construire ma maison. Maison Blavier. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Et dans un instant, à Namur, c'est Ronald, divorcé depuis 12 ans, qui viendra nous dire si on peut mettre un bébé en garde alternée chez papa-maman. Et en accompagnement, le chef vous propose un émincé de rhizome de soja aux graines germées de navet chilien. Non merci, je préfère nature. Votre maison aussi, préférez la nature avec Naturhome. Découvrez vous aussi la qualité des maisons et villas en bois Naturhome lors de nos portes ouvertes à Anus le 18 septembre après-midi. Info sur naturhome.be. Naturhome, naturellement exceptionnel. Info et bonne humeur, la bande du 8-9 revient demain. De 8 à 9 pour bien démarrer la journée. Avec Benjamin Maréchal. Mitsubishi chez Renversante, conditions septembre en... Vous voulez dire en septembre, conditions renversantes chez Mitsubishi? Ça c'est. Ok, d'accord. En septembre chez Mitsubishi, conditions renversantes sur toute la gamme. Moi j'aime bien les fruits de saison. Et en automne, vous allez aimer la nouvelle récolte des poires belles. Oh, oui, et leur goût, monsieur Martin. Oh là là, il a tombé. Tout comme leur petit prix. Et ça, ça tombe bien aussi. Oui, jusqu'à mardi, chez Carrefour Market, notre assortiment de poires belges en vrac est à seulement 1,29€ le kilo. Carrefour Market, la fraîcheur comme vous l'aimez. Seconde vie à vos vieilles chaussures. Apportez-les jusqu'au 18 septembre chez Brentano. Vous recevrez pour chaque paire un bon de réduction de 12,50€ et vous soutiendrez une bonne cause. Brentano. Info et magasin ouvert ce dimanche, brentano.be. Nous vérifions nos mails, nous vérifions les résultats du foot, nous vérifions les horaires du bus, si le chauffage est éteint, si le chat a été nourri. Nous vérifions la date de consommation du yaourt, nous vérifions les ingrédients du pain, nous vérifions les... Nous vérifions tout. Et nos fenêtres. Avec le coffret bilan fenêtre Finstral, vérifiez maintenant si elles sont encore étanches, sûres et belles. Demandez-le gratuitement sur finstral.com. Ce message s'adresse à vous, qui venez de percevoir votre assurance groupe ou de remettre votre entreprise. Pour vous, les conseillers CBC proposent des solutions d'investissement pour faire fructifier cet argent. Ils se montrent proactifs et ils sont à votre écoute à tout moment, plus que jamais dans ce contexte aussi changeant. Investir ? Parlons-en. Rendez-vous sur cbc.be/décider d'investir ou passez nous voir. CBC Banque et Assurance, décidez d'avancer. Et 0,70-233-466 sur la table, Zoé. Le montant des allocations maladie va baisser. Maggie de Bloch change la méthode de calcul. Quand on est malade, sans son salaire complet, on peut faire avec combien dans le fond, à ce propos? Et à ce propos, j'ai eu Thérèse de Wandre et sans son salaire complet, pour elle, il faut minimum 1 500€ pour vivre. Elle a été à l'arrêt pendant un an à cause d'un problème de dos. Thérèse estime qu'elle doit toucher le même salaire que quand elle travaillait ou 100€ de moins, tout juste, son arrêt maladie. Elle ne l'a pas voulu, c'est une contrainte. Et à côté, il faut continuer à vivre, à payer les factures. Selon elle, le gouvernement veut faire des économies là où il ne faut surtout pas en faire. Appauvrir nos citoyens aura un unique résultat. Ça va faire reculer notre société et faire baisser le pouvoir d'achat, m'a-t-elle dit. C'est vous qui le dites à Namur. Ronald, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Vous qui avez l'expérience du divorce, la loi sur la garde alternée à 10 ans, on dit qu'elle est l'idéal, mais à partir de quel âge? D'abord, parenthèse, quand vous divorcez, vous avez combien d'enfants à partager, si j'ose dire? Il m'en reste, je veux dire, 3 à partager. La grande est casée, donc il m'en reste 3 à partager. Voilà. On garde des bébés en garde alternée, on peut faire ça? Dans certaines conditions, oui, mais... pas trop jeune quand même, parce qu'il y a des soins que la maman peut apporter que papa ne saurait pas. Quel par genre exemple, de soins? Si l'enfant est allaité, par exemple. Bien sûr, ça bon, le papa peut pas. Bon, ou alors le gamin va avoir une très grosse voix. Maintenant, il y a certains soins qui sont réservé, que les femmes font mieux que les hommes, la question n'est pas là, je suis pas... Par exemple, alors donc j'ai bien compris, à l'été, ça c'est lié aux mamans forcément, mais quoi d'autre? Bah oui, mais par exemple, la maman a plus de feeling, je trouve. Les mamans ont plus de feeling pour les vis-à-vis des bébés que beaucoup de papas. Quand bien même les papas maintenant s'occupent beaucoup plus de leurs enfants qu'avant. Mais donc ça veut dire quoi? Alors que jusqu'à 6 ans, la garde alternée, c'est pas possible? Non, je dirais qu'on peut commencer... On peut voir si ça fonctionne, parce que parfois ça ne fonctionne pas, c'est un traumatisme, voir comment ça a fonctionné d'abord à l'entrée de la maternelle. Pourquoi à ce moment-là? Parce qu'à ce moment-là, déjà pour l'enfant, c'est déjà pour lui un changement d'environnement, c'est un autre, on va dire, c'est déjà un trauma, on va prendre ça pour un traumatisme. Ça fait quel âge alors? Parce que vous savez que l'entrée en maternelle, on va dire dépend... 2 ans et demi, 3 ans. 2 ans et demi, 3 ans, c'est le bon moment. Ouais. Et vous? Oui, c'est le bon moment. La garde alternée de vos enfants, elle s'est faite à quel âge? Ah, ben moi, elle s'est faite, c'est plus par entente conjointe que par décision, parce que... Mais ils avaient quel âge, les enfants? Ben, le dernier a 20 ans maintenant, donc le dernier avait 6 ans. 6 ans à ce moment-là. Ah, on en revient, c'est le hasard aux 6 ans que Christelle de Fléron nous proposait tout à l'heure. Ronald, il y a des soins que seule la maman peut donner, avez-vous dit. Je m'ep sur Meuse maintenant. Muriel, bonjour. Muriel, allô, venez à nous et coupez la télévision et la radio derrière vous. Vous allez tout entendre dans le téléphone. Le montant des allocations maladie va baisser. Maggie de Bloch change la méthode de calcul. Vous êtes en arrêt maladie depuis combien de temps, vous? Moi, je suis en arrêt maladie depuis presque 3 ans. Vous avez perdu combien de votre salaire? 10%, 15%, 20%? Bah écoutez, je gagnais 2000 euros et j'en gagne 1700, donc j'ai perdu 300 euros par mois. C'est une grosse perte ou c'est une perte gérable? Non, c'est une grosse perte parce qu'en fait, quand j'ai dû signer pour la maison, j'ai perdu mon travail avant de signer ma nouvelle maison. Donc j'ai un prêt hypothécaire énorme de 750 euros. J'ai aussi fait un accident de voiture, donc j'ai démoli ma voiture suite à ma perte d'emploi parce que c'est un burn-out. Et j'étais suivie par mon médecin et un psychiatre. Muriel, alors puisque vous avez dû gérer ces problèmes d'argent, voilà le nouveau mécanisme. Donc désormais, on ne va plus calculer le montant de votre maladie sur le salaire complet. Non, on va enlever de ça toutes les primes, toutes les heures sup. On va calculer ce qui vous reste en maladie sur un montant plus petit. Ça vous inspire quoi? Ça m'inspire, ça me dégoûte parce que moi, j'ai travaillé quand même pendant 20 ans. Et puis ce montant, ben voilà, c'est la mutuelle qui l'a calculé à ce moment-là. Et maintenant, si la mutuelle diminuait ce montant, ben je devrais en fait vendre la maison, parce qu'il faut dire aussi que la maison que j'ai achetée est pleine de vis cachés, donc je suis en procès. Donc quand on est malade, sans son salaire complet, avec tous les aléas de la vie, on peut faire avec combien dans le fond? Il faut combien minimum? Si vous n'avez pas de procès comme moi, si je ne sais pas moi... Donnez votre chiffre. 1400, 1500, mais... 1400, 1500. Vous êtes à 1700 pour l'instant, si j'ai bien compris. Mais 1400, 1500, voilà ce qui doit se trouver dans le portefeuille. Chacun voit son salaire complet d'aujourd'hui et s'imagine avec 40% en moins, parce que aujourd'hui, dans le mois d'après, on ne touche plus que 60% de son salaire. Ah, il faudra un peu calculer ce matin si la conversation s'impose. On marque une nouvelle pause et vous nous direz si dans 5 jours, tous les commerçants doivent effectivement appeler la police. J'ai ici un gars bizarre. Si vous trouvez le même produit moins cher dans un autre magasin, Vandenborg rembourse la différence. Les prix les plus bas, tout le monde peut le dire. Mais Vandenborg le fait. Avis de recherche. Nous signalons la disparition du dénommé Michel Janssens. Cheveux bruns, la quarantaine, il a été vu pour la dernière fois à bord du nouveau Hyundai Tucson en train de faire un test drive. Michel, si tu nous écoutes, tu nous ramènes le Tucson, s'il te plaît? Merci. Le nouveau Hyundai Tucson, ça va être dur de nous le rendre après l'avoir testé. Découvrez cet SUV impressionnant ainsi que toute la gamme chez votre distributeur Hyundai lors des journées portes ouvertes du 9 au 17 septembre inclus. Hyundai. New thinking, new possibilities. En ce moment, chez Colruyth, c'est le festival du vin. À l'achat de 6 bouteilles identiques, recevez un magnum gratuit du même vin parmi une sélection de 11 vins. Profitez-en jusqu'au 20 septembre inclus. Colruyth, votre garantie des meilleurs prix. Notre savoir-faire se déguste avec sagesse. Vous souhaitez gagner une nouvelle plaine de jeu pour votre commune? Rapportez toutes vos piles usagées dans un point de collecte Bébat de votre commune entre le 1er et le 30 septembre. Si votre commune collecte le plus de kilos par habitant, cette nouvelle plaine de jeu Bébat sera pour vous. Pour plus d'infos, regardez vite sur bébat.be. Bébat! Recycler ensemble, c'est mieux pour la nature. La Meuse, la Nouvelle Gazette, la Province, Nord-Éclair et la Capitale vous offrent une entrée gratuite pour le plus beau parc miniature d'Europe à Bruxelles. Ce samedi 17 septembre, recevez une entrée adulte d'une valeur de 15 euros à l'achat de votre journal. Une excursion magnifique pour toute la famille. Une place gratuite dans chaque journal, c'est ce samedi 17 septembre. Encore une exclusivité. Exiger un parquet de qualité qui respecte l'environnement, c'est bien. Mais si en plus il est traité afin que vos enfants puissent jouer dessus sans subir d'émanations nocives, c'est encore mieux. Pour vous, pour votre santé, pour le respect de la planète, optez pour les parquets du monde. Les parquets du monde à Etterbeek. Viva Bruxelles présente les 800 ans de Saint-Gilles. Vivez la fête d'ouverture au Barbie de Saint-Gilles en famille ou entre amis. Animation pour enfants, théâtre de rue, cours de danse, live painting et concert exceptionnel de The Plains. Le samedi 17 septembre, dès 16h, info stj800.be. Un événement organisé par la commune de Saint-Gilles et les rencontres saint-gilloises. Et au 070-233-466 sur la table, Zoé, la loi sur la garde alternée à 10 ans, on dit qu'elle est l'idéal, mais à partir de quel âge? Est-ce qu'on fait des gardes alternées de bébés à ce propos? Et à ce propos, j'ai eu Laurent de Teux. Pour lui, on ne doit pas faire de garde alternée de bébés. Ses deux enfants ont 6 et 8 ans. Il est divorcé et pour lui, un bébé a besoin d'une stabilité. Les tout petits comme ça ont besoin d'un rythme, ils ont besoin de retrouver leur repère. Même avec ses deux enfants, Laurent est partagé sur la garde alternée. Il le sent, il s'exprime au bout d'un moment des difficultés, deux éducations, deux règles, deux habitudes, deux maisons. Ils ont besoin de repères aussi et de stabilité. Et Laurent le ressent au niveau de ses deux enfants. C'est difficile pour eux de s'adapter chaque semaine. La Quenne en ligne, c'est vous qui le dites. Bonjour Ajar. Oui, bonjour Benoît. Dans 5 jours, tous les commerçants devront signaler à la police les clients suspects qui achètent des produits qui peuvent servir d'explosifs. Est-ce que les commerçants deviennent des balances ou c'est du civisme? Moi, je trouve que c'est du civisme parce que, voilà, donc toute personne, que ce soit un commerçant ou un voisin ou, je sais pas moi, un passant, je trouve que s'il voit quelque chose de suspect, il a sa part de responsabilité. Mais s'il se trompe, comment voulez-vous qu'un commerçant distingue un méchant d'un gentil? On peut acheter 5 kilos de clous pour bricoler dans le jardin. Oui, mais voilà, on a quand même un... Allez, moi je trouve que si jamais on a une petite suspicion, je sais pas. Moi je trouve qu'il faut quand même faire, il faut quand même faire son devoir. J'ai expliqué donc à la Oh, mais excusez-moi, mais le commerçant, il n'a pas de preuves. C'est ça que dit l'UCM, dans le fond. Là, on est dans l'embarras. Oui. On va fonctionner vous à la savez, suspicion, hein, au feeling. Je vais vous raconter une petite histoire qui s'est passée. Donc, c'est il y a 3 mois, c'est au Maroc. Moi, je suis marocaine. Hein, donc, je vis en Belgique, je suis née ici, je suis d'origine marocaine. Et au Maroc, chez nous, c'est tout à fait normal de dénoncer s'il y a quoi que ce soit de suspect. Donc, il y a un épicier qui a l'habitude d'un client qui achetait toujours un litre de lait et un pain. Donc, il prenait jamais plus. Et il a fait une bombe avec du pain et du lait? Non, pas du tout. Et pendant une bonne semaine, il prenait beaucoup de lait, beaucoup de pain tous les matins pour le petit déjeuner. Et l'épicier a quand même surveillé s'il y a des personnes qui sortent ou pas donc de cette maison. Il n'a rien vu, ni les fenêtres, donc ni au niveau des fenêtres, ni rien du tout. Il a directement été au commissariat, il leur a dit « Écoutez, il y a un voisin à mon magasin, je pense que sa maison sert de planque parce que je ne vois personne sortir. » Et c'était le cas? C'était le cas. Alors je vous demande à Charles, je ramène en Belgique, est-ce que les caissières du Brico doivent appeler la police si elles ont un doute, oui ou non? Pas appeler la police, mais au moins demander les papiers d'identité. Ah ben vous savez que les caissières, elles n'ont pas le pouvoir de demander les papiers d'identité. Hein. C'est déjà parfois compliqué pour les agents de sécurité. Alors pour des caissières, ce ne sera pas possible. Ajar, au Maroc, ça a marché. Namur en ligne. Marie, bonjour. Bonjour Benjamin. Le montant des allocations maladie va baisser. Maggie de Bloch change la méthode de calcul. Avant de nous dire combien on doit vivre dans le fond quand on est malade, est-ce que c'est bien ce système? Ça va remettre des malades au travail? Bah, écoutez, quand on est malade, on a des droits, on a le droit d'être malade. Maintenant, je pense qu'il y a quand même certains abus. Il est temps de lutter contre ça. Mais avec combien on peut vivre? Parce que déjà qu'ici, on n'avait que 60% de son salaire, demain, on comprend bien qu'on aura moins. Oui, d'accord. Et les indépendants, ils ont le droit d'être fatigués ou d'être malades, eux. Combien il faut quand on est malade, sans son salaire complet? On peut faire avec combien, à votre avis? Ah bah écoutez, moi j'ai déjà vécu avec 650 ou 800 euros par mois. Maintenant, il faut peut-être réduire son train de vie, il faut être raisonnable. Je vous pose la question parce que Muriel m'a dit 1400, 1500. Et vous me dites qu'avec 650, on s'en sort quand on est malade. Si la conversation s'impose, on parlera argent. A tout à l'heure après les infos. Viva Bruxelles et la Une présente. Chaque fois dans le métro, je me dis, essaye le vélo. Faut vraiment que j'innove sur le chemin du boulot. Auto-métro-vélo, je peux aussi marcher. Fallait franchir le pas, oser mixer, bouger. Je me suis dit Mobile Mix. Du 16 au 23 septembre, semaine de la mobilité. Et le 18 septembre, dimanche sans voiture. Be Mobile Mix, be Brussels. Vivacité présente, en partenariat avec les AP Assurance, l'échappée belge. Sur les petites routes de Provence et à travers les plus beaux coins du Luberon, d'Apt à Forcalquier, en passant par Manosque, Cavaillon, Roussillon et une arrivée le 27 septembre au Théâtre des Dons en Avignon. L'échappée belge, avec la complicité des voyages SNCF.com, à suivre tous les jours de la semaine à 14h et le samedi à 16h. Avant, pendant et après la balade, les AP sont toujours à vos côtés. Vivacité présente les Showcase Joker Plus du beau vélo de Ravel. Yo les ravelistes et les retardataires, aïe aïe aïe. Nous vous donnons rendez-vous ce dimanche 18 septembre au pied de l'Atomium pour faire la fête tous ensemble. Et on va partager la scène du beau vélo de Ravel avec les Magic System et Willy William. Et à très vite. Yeah. Le Showcase Joker Plus du beau vélo de Ravel, ce dimanche 18 septembre à Bruxelles. Un événement gratuit et accessible à tous. Joker Plus, chaque jour est un jour de chance. Encore un hors-série Télépro, les meilleurs trucs et astuces de grand-mère. 250 bons plans pour entretenir la maison, le jardinage, la cuisine, la santé ou les nouvelles technologies. Des formules parfois oubliées avec des ingrédients peu coûteux, naturels et faciles à trouver. Hors-série Télépro, les meilleurs trucs et astuces de grand-mère, actuellement en librairie. Tu l'as lu, t'as tout vu. Viva, il est 10h. Viva le flash, Yasmina Favaro, bonjour. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Syllabus sous le bras, direction les auditoires pour les étudiants. C'est la rentrée dans le supérieur aujourd'hui. Une rentrée particulière pour les étudiants qui espèrent une bourse. La réforme du système n'est toujours pas votée. Du coup, ils ne savent toujours pas s'ils recevront une aide pour leurs études. Rentrée compliquée aussi pour les reçus collés de médecine. Toujours en attente d'une décision de la justice et des autorités sur ce fameux concours de fin de première. Ils abordent donc leur rentrée comme s'ils étaient en deuxième année de médecine sans savoir si ce sera réellement le cas. Le gouvernement wallon et le Premier ministre Charles Michel vont enfin rencontrer la direction américaine de Caterpillar. C'est prévu aujourd'hui, mais où et quand? Rien ne filtre tout ça pour privilégier une discussion franche et constructive. Tandis que sur le site de Gosselies, les travailleurs vont décider si oui ou non ils reprennent le travail. Une assemblée générale est prévue aujourd'hui. L'usine est à l'arrêt depuis l'annonce de la fermeture. Dès le 1er octobre, si vous êtes en arrêt maladie depuis plus d'un mois, votre mutuelle va moins vous indemniser. Maggie de Bloch, la ministre fédérale de la Santé, rabote l'assurance indemnité. L'objectif est de faire des économies pour l'État. Pour calculer votre indemnité à présent, plus question de prendre en compte les primes comme l'ancienneté ou les bonus. Fini aussi de reprendre les heures supplémentaires dans le calcul, à moins qu'elles ne représentent plus de 10% de votre salaire. Un changement mal accueilli par les syndicats. Du football au programme ce soir, le club de Bruges monte sur la pelouse européenne à 20h45. Premier match en Ligue des Champions face aux Anglais de Leicester. Face à un match à suivre sur Vivacité bien sûr. L'autre actualité de la planète foot, eh bien, c'est l'élection du nouveau patron européen du ballon rond. Le successeur de Michel Platini à la tête de l'UEFA. Ça se passe en Grèce et il y a deux candidats en lice. Le néerlandais Michael Van Praat et le slovène Alexander Seferin. Et enfin aux Jeux Paralympiques de Rio, eh bien, le belge Joachim Gérard dispute sa demi-finale du tournoi de tennis en fauteuil en début de soirée. Pour la météo, l'été toujours en prolongation aujourd'hui, soleil et chaleur à nouveau au rendez-vous. Les températures seront comprises entre 27 et 32 degrés. Le point RTBF Mobile Info, il y a un accident sur la E411, Stéphane Piedbeuf. Effectivement, c'est avant d'arriver au carrefour Léonard Yasmina, hauteur d'Overace. Les voies centrales et de droite sont neutralisées. Il y a des files en direction de la capitale. Un accident impliquant plusieurs camions sur l'E40, Aix-la-Chapelle, Bruxelles, à hauteur de Barchon. Le passage s'effectue uniquement via la bande de gauche. Autant vous dire que c'est un endroit à éviter en direction de Bruxelles. Et puis, il y a un camion qui a perdu son chargement aussi. Donc, vraiment, essayez d'éviter l'endroit si vous le pouvez. Alors, pour rejoindre Bruxelles. Sur le 411, ça ralentit forcément suite à cet accident d'Overace jusqu'à Jezusaïc. Sur le 19 qui vient d'Anvers, ralentissement entre Petit et McCullen. Sur le ring, circulation en accordéon, en circulation intérieure entre Bercelles, entre Halle et Bercelles vers Grand Bigard. Et puis pour la circulation extérieure, vous ralentissez entre Léonard et Tervuren ainsi que de Strombeek à Wemmel en direction de Grand Bigard. Et puis des travaux qui vous ralentissent sur le 42 Mons-Namur à hauteur de Courcelles. 8 km de file, 25 minutes d'attente. D'autres travaux sur la 54 Nivelles-Charleroi à hauteur de Buzet en direction de Charleroi. 2 km de fil sont constatés à présent. Blavier, mon partenaire pour construire ma maison. Maison Blavier. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Il est toujours là pour mener le débat avec vous. Benjamin Maréchal est aux commandes du débat de C'est vous qui le dites. Ah ben j'espère que vous êtes toujours là parce que la deuxième partie commence. Chaque matin, Benjamin Maréchal vous donne la parole. C'est vous qui le dites. Il y a 10h45, le rendez-vous avec la question qui dérange. La Fédération des étudiants francophones, la FEF, demande un contrat de bail type obligatoire qui permettrait de sous-louer son logement. Permettre de sous-louer d'office, par défaut, automatiquement. Est-ce que c'est dangereux pour le bien du propriétaire? C'est ça la question qui dérange ce matin. C'est donc la FEF et son homologue flamande, la VVS, qui viennent d'élaborer une position commune sur le logement étudiant. Et ces deux organisations demandent donc à la ministre, notamment bruxelloise, de tenir compte de leur avis. Nous voulons, disent les étudiants, nous voulons une garantie locative d'un mois seulement. Nous voulons rédiger un contrat de bail type qui sera à utiliser. Et c'est ce contrat qui permettrait la sous-location, particulièrement à Bruxelles, disent les étudiants, qui assistent à de nombreux échanges internationaux. Sous-louer, est-ce que c'est dangereux pour le bien du propriétaire? Mélanie Joris, vous cherchez dans ce dossier le bon interlocuteur. Avez-vous une piste? Oui, alors on a plusieurs pistes. Ce matin, on pourra tenter de parler directement avec la FEF, la Fédération des étudiants francophones. Mais on pourra également tenter de parler avec le syndicat national des propriétaires ou encore avec la ministre bruxelloise du logement, Céline Frémaux. Vous voyez le concept, hein, je loue mon logement à quelqu'un qui va lui-même le sous-louer à quelqu'un d'autre. Laissez un éclairage à Zoé au standard. Et le problème pour Marianne de Senef, c'est qu'elle est propriétaire et que quand elle choisit ses locataires, elle prend bien soin de prendre des profils qui lui correspondent, des gens qui sont soignés. Et elle a peur que les étudiants sous-louent à des gens qui détruisent son appartement. La FEF demande donc un contrat de bail type obligatoire qui permettrait de sous-louer son logement. Est-ce que c'est dangereux pour le bien du propriétaire? Question qui dérange. Rendez-vous à 10h45. À 9h, il y avait 3 débats sur la table. Dans 5 jours, tous les commerçants devront signaler à la police les clients suspects qui achètent des produits qui peuvent servir d'explosifs. Est-ce que les commerçants deviennent des balances ou c'est du civisme? Ensuite, le montant des allocations maladie va baisser puisque Maggie de Bloch change la méthode de calcul. Quand on est malade, sans salaire complet, on peut faire avec combien dans le fond? Et puis la loi sur la garde alternée à 10 ans aujourd'hui, on dit qu'elle est l'idéal, mais à partir de quel âge est-ce qu'on fait des gardes alternées de bébés? 3 débats Zoé au 070-233-466. Et vous avez choisi d'aller plus loin dans le débat sur la baisse du montant des allocations maladie. On peut faire avec moins de 60% de son salaire complet? C'est la question qu'on vous pose ce matin dans C'est vous qui dites. Donc jusqu'ici, l'indemnité, quand on est malade, était calculée sur base du dernier salaire. Disons grosso modo qu'on touchait 60% de son salaire. Eh bien, la ministre de la Santé, Maggie de Bloch, fait des économies et retire du salaire qui sert de base au calcul, retire les primes d'ancienneté, les primes de participation au résultat, les primes de tutorat pour former les jeunes, les éventuels cadeaux en nature de l'entreprise, les bons de paiement et les heures supplémentaires, sauf si elles représentent au moins 10% de la rémunération. Donc ce qui veut dire qu'on va calculer votre assurance maladie, enfin votre allocation maladie, sur un montant plus petit. Le nouveau calcul démarre le 1er octobre, concerne donc ceux qui vont tomber malades à partir de cette date. Mais il y a, dit-on, une compensation, et ce sera à vous dire si elle est suffisamment grande et valable. On ne prend plus en compte pour le calcul le dernier salaire moyen, non, on remonte d'un trimestre. Ce qui veut dire que si vous étiez passé à mi-temps dans les 3 derniers mois, ben on calculera votre alloc maladie sur le gros salaire d'avant et pas sur le dernier. À ce propos, voilà ce qu'on a entendu tout à l'heure. Ça me dégoûte parce que moi, j'ai travaillé quand même pendant 20 ans.

Voilà le principe. Je voudrais votre avis sur chaque élément de cette réforme. Magui de Bloch dit « Ok, on calcule toujours l'alloc maladie sur le salaire, mais plus un salaire avec les primes et un. Prenons juste le petit salaire, débarrassé des primes. » C'est correct ? De toute façon, chez moi, les primes n'ont jamais été prises en compte. Ça, c'est déjà une chose. Et puis moi, j'ai un grand message à faire passer à Mme Magui de Bloch, c'est que je lui souhaite dans sa vie de ne jamais avoir de problème médical. Ah, vous êtes fâché, c'est une mesure d'économie, c'est une mesure d'économie, ça, non, ce qu'elle propose. Non, pas du tout, mais il faut faire avec ce que la mutuelle vous donne. Ça fait quand même 24 ans que moi je travaille et que je paye mes cotisations. Ici, j'ai eu quelque chose qui n'était pas un accident, donc c'est vraiment une maladie qui peut tomber sur tout le monde. Et je dois faire avec ce qu'on me donne maintenant. Et franchement, c'est pas évident. C'est bon qu'il y a eu moyen de mettre des réserves pour pouvoir continuer à vivre, manger et simplement payer les factures du quotidien. Sinon, on vit avec quoi ? Christine, donc à partir du 1er octobre, ceux qui vont tomber malades vont connaître ce système. Est-ce que ce nouveau système les remettra au travail plus vite ? Puisque mon alloc maladie est plus faible, j'aurai une propension à vite revenir travailler. Ça va marcher, ça ? Pas forcément, parce que vous pouvez avoir envie de venir travailler vite, ce qui a été mon cas et ce que j'aurais déjà voulu faire depuis quelques mois, mais j'en ai absolument l'interdiction du docteur. Donc maintenant, ici, je pousse et je vais pouvoir reprendre le 1er octobre à tout prix. Et je suis contente au niveau financier et puis à tout autre niveau. Mais quand les médecins vous l'interdisent et que vous vous sentez que vous en êtes incapable, vous êtes obligé de faire avec vos indemnités. Est-ce qu'on peut vivre avec moins de 60% de son salaire? Donc si mon calcul est bon, vous aviez 1500 euros à l'époque, 60% du salaire, ça fait 900 euros. Est-ce qu'on peut vivre avec moins de 900 euros, moins de 60%? Mais non. Si vous n'avez pas des à côté ou que vous n'avez pas des réserves ou que vous n'avez pas un conjoint qui gagne très bien sa vie pour mener les deux bouts, non. Mais alors comment on fait? Puisque Magui de Bloch change le système. En ne prenant là-dedans que les factures nécessaires, nourriture, comme tout le monde, quoi, gaz, électricité, etc., il faut un minimum. Soyons de bon compte, pour ne pas être totalement fâchés sur Magui de Bloch, puisque vous ne lui souhaitez jamais d'être malade un jour, il y a quand même une contrepartie dans cette réforme. Ah oui, donc c'est la preuve que je ne suis pas méchante. Il y a une contrepartie quand même, c'est qu'on ne va plus calculer l'alloc maladie sur le dernier salaire moyen, mais bien sur le salaire du trimestre d'avant. C'est bien ça ou ça ne sert à rien ? Ça change rien. Ben alors, ça change rien. Elle, Madame Magui de Bloch est docteur en médecine à côté de ça. Si elle découvre une maladie hein, de ses patients après plusieurs mois de recherche et qu'elle lui trouve quelque chose d'important comme moi j'ai eu et qu'il faut absolument traiter, est-ce qu'elle est fière de se rendre compte que cette personne n'aura pas assez pour vivre et arriver à la fin du mois ? C'est ça, être aide à la personne en étant docteur, je ne pense pas. C'est important de faire des économies dans ce domaine-là. Elle va faire des économies avec ça, mais on ne nous a pas donné le chiffre. On ne sait pas combien ça va rapporter. Ben, je pense que si déjà, on pourrait déjà, à mon avis, faire des économies sur ce qu'elle gagne, parce qu'à mon avis, elle n'a pas ce genre de problème avec ses deux métiers. Ah ben, réponse du berger à la bergère, alors, Christine. Je signale que vous êtes donc à 1100 euros, c'est-à-dire plus que les 60%. C'est grosso modo 60%. 60% de 1500 euros, ça fait 900. Bon, j'ai une calculatrice dans la main, chacun avec son montant, chacun avec son expérience. Vous êtes libre, évidemment, de dire quelle est la maladie qui vous met en arrêt maladie, ou vous êtes libre aussi de rester discret, ça va sans dire. Brenne Le Château, maintenant, nous appelle. Jacques, bonjour. Bonjour. Vous êtes en arrêt maladie depuis combien de temps ? Depuis un an. Dans quel secteur vous étiez ? Un peu plus d'un an. Vous étiez actif dans quel secteur ? Je travaille dans le bâtiment, je suis grutier. On parle argent deux secondes. Entre le moment où vous êtes grutier en pleine charge et aujourd'hui, quelles sont les différences de montant ? Elles sont énormes hein, quand même. Je gagne un peu moins de 500 euros. Et avant ? Je perds 500 euros facilement. Ah, vous perdez 500 euros. Mais sur un montant total de combien ? Ben, que quand je suis à temps plein, ben, j'étais pas loin de 1700. Ça dépendait, sans compter les avantages qu'on avait. Donc, les chèques repas et les heures supplémentaires et tout ça. Donc c'est largement divisé par 3, on est bien d'accord. Sur la méthode de calcul, Jacques, et ça nous dira si vous aviez des primes à l'époque. Eh bien maintenant, on va calculer l'alloc maladie sur votre salaire, mais débarrassé de toutes les primes. Vous aviez des primes, vous ? Oui, on a fait des primes. Donc quand on travaillait le soir, on avait des primes. Mais bon, tout était déclaré, donc ça nous dérangeait pas. Mais alors qu'est-ce qu'on se dit de ça ? Qu'est-ce que vous me dites de ça ? Maintenant, on va calculer votre alloc maladie sur un montant plus petit, votre salaire, mais sans toutes les primes. Mon salaire, sans les primes, ben je suis à 1400, allez, je vais dire 1600, entre 1400 et 1600. Ah, on passe de 1700 à 1400. Il faut suivre dans les chiffres, mais ça veut dire qu'un salaire sans primes, c'est vachement plus petit. Dans le fond, oui. Quand on est en maladie comme vous, il faut combien d'argent pour vivre? On peut faire avec ben combien? Pour vivre, franchement, correctement, il faudrait quand même... bon, moi, j'étais à 1700 de la mutuelle. Un an après, je suis descendu à 60%, donc je suis à 40 maintenant. Eh ben, je n'ai que 1100, 1200 euros. Et avec ça, c'est très dur à faire les fins de mois. Si on fait gagner moins à un malade, le malade retourne plus vite travailler, non? Non. Non? Non, ah. Non, parce qu'on dit toujours, que la santé passe avant le travail. Alors je ne vois pas pourquoi est-ce que maintenant elle réagit ainsi. Alors attendez, essayez de m'aider à comprendre. Donc complétez la phrase. Si on fait gagner moins à un malade, le malade fera ou sera? Ben, il sera désavantagé. Eh ben alors à quoi sert cette réforme? À faire des économies. Oui, mais c'est des économies pour qui? Pour eux, pas pour nous. Ah, on nous, dit que c'est pour nous, c'est la collectivité, le budget global de l'État. On fait là une économie, sauf qu'elle n'est pas chiffrée. Est-ce qu'on peut faire avec moins de 60% de son salaire? Jacques, c'est très compliqué dans les chiffres ce matin. Je me permets à chaque fois de résumer pour être sûr qu'on ait bien compris tout ça. Votre salaire, quand vous étiez grutier à pleine charge, c'était 1 700 euros. Mais quand on prend ce salaire débarrassé de toutes les primes, on n'est déjà plus qu'à 1 400. C'est donc sur 1 400 qu'on calculera demain votre alloc maladie. Voilà la réforme. Mélanie Joris, on vient vers vous maintenant pour un éclairage en termes d'allocation maladie, pour que là aussi les choses soient claires. Quel est le système actuel? Alors, l'indemnité de maladie-invalidité est calculée donc sur base du dernier salaire. Actuellement, on l'a déjà dit. Et dans un premier temps, eh bien, on parle d'incapacité. Pour les employés, le premier mois est pris en charge par l'employeur. Ça veut dire que vous percevez votre salaire normal, complet. Ensuite, c'est la mutuelle qui prend le relais. Du deuxième au sixième mois, les indemnités maladie représentent plus que 60% du salaire. Mais il y a un plafond qui est fixé à 3 464 euros. Quand on fait le calcul des 60%, il ne reste donc plus que 2 078 euros. Ensuite, du 7e au 12e mois, on parle toujours d'indemnité maladie. Pour les travailleurs réguliers qui sont chefs de ménage, eh bien l'indemnité ne s'élève plus qu'à maximum 1 431 euros. Ça, c'est pour donc la période entre le 7e et le 12e mois. Et finalement, lorsque le travailleur malade entre dans sa deuxième année d'arrêt de maladie, eh bien on parle d'invalidité. On change de catégorie, mais l'indemnité reste la même pour un travailleur régulier chef de ménage. Il s'agit toujours d'un montant maximal de 1 431 euros. Et bien sûr, après, il y a les réalités de chacun. Ça, c'est le principe général. Merci Mélanie pour l'éclairage. C'est vous qui le dites, est à tourner. Géraldine, bonjour. Bonjour Benjamin. Arrêt maladie, vous aussi, qu'est-ce qui vous est arrivé, si c'est pas indiscret? En fait, moi, j'ai des soucis au niveau des lombaires, hernie discale, sciatique et tout ça. Vous travaillez dans quel secteur? En cuisine, dans l'Eureka. Dans l'Oreca. Alors, puisque vous nous avez livré au standard votre salaire complet, oui. 1 600 euros, j'applique la nouvelle mesure. Donc, si on prend 60% de votre salaire, ça fait plus que 960 euros. Eh bien, on sait que demain, vous allez encore gagner un petit peu moins que ça. C'est grave? Oui, mais c'est merveilleux. Mais c'est merveilleux. Bien sûr que c'est grave, Benjamin. À 900 euros, vous en sortez ou vous en sortez pas? Non, même en faisant bien attention quand même, en faisant pas d'excès, non. Ben alors ça vous incitera à aller bosser? Comment voulez-vous? Je veux bien aller travailler, pas de souci. Sur mon lieu de travail, si je reste bloqué ou assis, tant pis. On verra la solution. Mais donc là, argent pas argent, vous n'êtes pas en état de travailler. C'est physiquement pas possible. Physiquement pas possible. Alors on se résume. La question est la suivante. Géraldine, demain, vous allez devoir faire avec moins de 60% de votre salaire. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Je ne vendrai sûrement pas la maison, ça c'est clair. Mes factures seront payées, mais je ferai comme les personnes étrangères, j'irai me poster devant mon hôtel de ville à Tournai. Christine, tout à l'heure, elle a dit à Ruette, dans la région de Virton, il faut avoir, au cas où avant, pensé à mettre un peu de côté. Oui. Vous l'avez, l'argent de côté? J'ai légèrement de l'argent de côté, qui ne peut pas, évidemment, venir à toute une vie, quoi, ou à 6 ans, ou à 2 ans. Non, ça c'est pas possible, quoi. J'ai saisi dans la communication téléphonique mauvaise que vous aviez un peu d'argent de côté. Géraldine ne m'en voulait pas, le téléphone est très mauvais. On va s'interrompre ici. Marquer une nouvelle pause et aller dans un instant dans la région d'Arlon où nous attend Nadia, elle est en arrêt maladie depuis 4 ans. Est-ce qu'on peut faire avec 400, 500 euros par mois? La 2 en télé. Je sais pas ce que t'as en tête, mais moi je peux pas te faire sortir de prison. Tous les établissements ne sont pas connectés. Et même si c'était le cas, il faudrait des semaines pour trouver une faille dans la sécurité. Non, c'est pour ce soir. Mister Robot. De nouveaux épisodes. Ce mercredi sur La 2. Vous avez raté un ou plusieurs épisodes de la deuxième saison de la web-série E. Pas de stress. Ayez le bon réflexe et regardez vos épisodes où, quand et comme vous voulez sur rtbf.be/ovio. A-U-V-I-O. RTBF Ovio, libérez vos envies. Viva Bruxelles présente la fête des familles pour l'inclusion des personnes handicapées. Dans une ambiance festive, participez à une foule d'activités pour tous, aux ateliers créatifs, à des spectacles ludiques. Rendez-vous le 17 septembre au stade Tordelt à Schaerbeek pour la fête des familles, à l'initiative de la commune de Schaerbeek et du gouvernement francophone bruxellois. Pendant les Audi Days, vous allez être surpris. Surpris par les conditions exceptionnelles sur l'Audi A1. Surpris par son tempérament et son agilité en ville. Et surpris par la technologie unique PJR, qui signifie « Pince-moi, je rêve ». Pendant les Audi Days, profitez des conditions sur toute la gamme jusqu'au 22 octobre. Comme l'Audi A1 Limited Edition à partir de 13 990 euros ou 129 euros par mois en personal lease. Infos et conditions sur audi.be et chez votre distributeur Audi. Et au 070-233-466, Zoé, d'abord un constat avant la nouvelle méthode sur la méthode actuelle. Et visiblement, beaucoup d'arrêts maladie ne s'en sortent pas avec le système actuel. Oui, beaucoup d'arrêts maladie qui ne s'en sortent pas, dont Chantal de Mons. À la base, elle était technicienne de surface à la police fédérale. Elle peut vivre, elle aimerait vivre avec 1 900 euros par mois. Elle en touche 1 700 et elle ne s'en sort pas. Avant, elle touchait 2 000 euros. Son fils est à l'université. Elle doit lui payer une partie de ses études. Elle doit payer 200 euros de médicaments et de scanners par mois minimum. Elle a des problèmes au dos, un rein qui ne travaille qu'à 35%, des pierres à la vessie et un problème à la rotule. En arrêt maladie depuis 7 ans, Chantal ne s'en sort pas avec la somme qu'elle touche en ce moment. Il y a Didier de Rachecourt, il était bouché, il a de graves problèmes au dos causés par plusieurs hernies discales, obligé d'être en arrêt maladie depuis 2 ans. Il touche 1000 euros par mois avec 3 enfants en bas âge, impossible de s'en sortir, m'a-t-il dit, et c'est déjà le système actuel. Alors il se dit, avec moins de 60% de son salaire, c'est tout simplement impossible. Sa femme va devoir faire beaucoup d'heures supplémentaires et ils n'y arriveront pas. C'est vous qui le dites, et près d'Arlon maintenant. Nadia, bonjour. Bonjour. Quand vous étiez active dans la boulangerie, au travail dans la boulangerie, c'était quoi votre salaire complet ? C'était 1250 euros par mois. Qu'est-ce qui vous arrive ensuite comme maladie ? Qu'est-ce qui vous prive après, du travail ? Eh bien, j'ai attrapé tout d'abord un cancer, puis un deuxième, et puis jusqu'à 4 cancers. Donc, depuis 4 ans, je suis en arrêt de maladie avec 35 euros par jour pour vivre. Après, on parle d'argent, mais est-ce que l'argent, et on parle de chiffres, mais est-ce que l'argent est une préoccupation quotidienne ou c'est la maladie qui l'emporte et votre seule priorité, c'est le soin et le traitement ? C'est même pas, non, c'est impossible que la priorité soit les soins. Comme j'ai dit à la dame qui j'ai eue, j'ai fait même une grève de la faim parce que c'était plus possible de me soigner. J'ai arrêté mes traitements de chimiothérapie pendant un an. C'était plus possible. Je fais le calcul, 1250 euros. Quand on ne garde que 60% de son salaire, eh ben il reste 750 euros. Et donc avec le nouveau système, ouais, demain, ben vous aurez moins que 750 euros. Je n'y arriverai jamais, jamais, jamais. Quelle est la solution ? Quelle est la parade ? Bah écoutez, pour le moment, je ne sais pas. Je crois qu'il sera encore temps de réfléchir à ce moment-là parce que c'est plus possible, quoi. Même avec ce qu'on a maintenant, on pleure tous les jours, on n'a plus de vie sociale, on n'a plus rien, quoi. C'est impossible. Avec un loyer, moi, je suis toute seule, un loyer, les médicaments, etc. C'est plus possible, c'est pas possible. Le gouvernement assume, puisque Maggie Debloc présente effectivement ça comme une mesure d'économie. Mais il y a une astuce qui pourrait permettre à certains de gagner plus. Voyons si vous êtes concerné. On ne calculera pas l'alloc maladie sur votre dernier salaire, mais sur le salaire du trimestre avant l'arrêt. Le trimestre avant, vous gagnez plus ? Oui. Non. Donc pour vous, ça ne change rien ? Ça ne changera absolument rien du tout, non. Absolument rien. Maintenant, quand on gagne même 1200, pardon. Allez-y. Quand on gagne encore 1250 euros, c'est déjà très difficile. Mais alors, quand vous, même 50 euros en moins par mois, c'est encore beaucoup pour moi. Je vous mets dans la peau de la ministre de la Santé qui veut faire des économies. Et elle dit, je vais calculer l'allocation à partir du 1er octobre. Je vais la calculer sur base du salaire, débarrasser des primes d'ancienneté, des primes de participation au résultat, des primes de tutorat, des cadeaux en nature, des bons de paiement et des heures sup. Donc on imagine qu'avec ça, le montant va être plus petit. Bah bien sûr, bien sûr. Je pensais quand même qu'elle serait mieux que Mme Onkelinck, mais Mme Onkelinck, je l'ai eue personnellement au téléphone. Franchement, elle était plus débrouillarde. Ici, on a affaire à une mesure qui est dure. Très dure. Très dure. Comme la dame a dit un peu avant moi, j'ai une maison, mais je me battrai pour la garder. Ça, c'est sûr. Une mesure dure, me dites-vous. Nadia, la mesure entre en application le 1er octobre. Donc ceux qui sont, que ce soit très clair, pour éviter les paniques intempestives, ceux qui sont de l'ancien système sont de l'ancien système. Ça concerne donc bien ceux qui vont tomber malades à partir du 1er octobre. Mais rien n'empêche de voir dans vos situations actuelles ce que ça donnerait si on était après le 1er. Te maintenant, Benoît, bonjour. Oui, bonjour. C'est votre femme qui est en arrêt maladie depuis combien de temps? Tout à fait, à peu près 5 ans maintenant. Est-ce que votre salaire... Sans parler de chiffres, est-ce que votre salaire suffit à maintenir un niveau de vie acceptable? Mon salaire à moi, oui. Moyennant que je travaille et que je gagne bien ma vie, oui, pour combler le trou. Parce que ce que l'État n'assume plus, ben c'est moi qui dois l'assumer directement. Hein. Votre femme, elle était active dans quel secteur? Elle était active dans quel secteur, votre femme? Le commerce. Elle gagnait combien par mois? Oh, elle gagne à peu près un peu moins de 1200 euros. Ce salaire-là, c'est un salaire avec des primes en tout genre? Ou c'est vraiment non, le salaire basique? C'est le salaire basique. Salaire basique. Salaire basique. 1200 euros, je fais le calcul en temps réel. Vous voyez que j'ai ma calculatrice, si vous regardez là une télé, j'enlève les 40%, il me reste 60% du traitement. De 1200, elle est passée à 720? Ah oui, un peu plus, dans les 800 et quelques, 810, 820, quelque chose comme ça, oui. Comment vous la trouvez, cette réforme? Demain, on va, pour calculer, débarrasser le salaire de toutes les primes. Comment vous trouvez cette réforme? Moi, je trouve qu'il faut, une gestion rigoureuse dans l'état des choses actuelles, mais je crois qu'ils vont chercher dans les mauvaises poches. Parce que quelqu'un qui est malade a des besoins que quelqu'un qui est valide n'a pas. Ça veut dire médicamentation, soins de médecin, kiné, des déplacements intempestifs vers les hôpitaux et les consultations de spécialistes. Donc, évidemment, à la fin du compte, il lui resterait que ses yeux pour pleurer si elle était seule. Donc, je suis là. Et c'est moi, comme je le dis, c'est moi qui assume ce que l'État ne veut plus assumer. Hein. Donc, on pourrait ouvrir même un débat plus loin, mais on ne va pas le faire. Ici, le problème, c'est qu'ils vont mettre les gens dans la précarité, augmenter la précarité. Ah, ils vont les mettre au travail aussi. On est déjà dans la précarité. Hein, non, ils vont les remettre au travail. Certains disent qu'on va les remettre au travail. Écoutez, remettre des gens au travail, certainement, il y a des cas qui sont possibles, parce qu'il y a aussi des cas de fraude, hein, il faut pas l'oublier, ça, c'est vers là qu'ils veulent aller. Mais quelqu'un qui est malade, qui a des problèmes de dos, de colonne vertébrale, ou comme ma femme qui a la fibromyalgie, qui a des moments de fatigue, des douleurs intenses au point de la clouer deux jours au lit, c'est pas possible de retravailler, même avec la meilleure volonté du monde. Benoît, pour comprendre l'astuce qui est la bonne nouvelle de ce système, c'est du moins ce qu'on nous dit. Votre épouse, est-ce qu'elle a eu des variations de salaire dans les 4 derniers mois? Ou pour le dire autrement, est-ce qu'au trimestre d'avant, elle gagnait plus que dans son dernier mois de travail? Non, du tout. Non, du donc tout, là, pour vous, ça ne changera rien. Je vous dis ça parce que le dernier salaire moyen ne sert plus de base au calcul, c'est le salaire du trimestre d'avant. Il est 10h31, c'est l'heure de la proportion maintenant. Zoé dans les Appelantes ce matin, combien estime que si les allocations maladie baissent, et bien alors le montant de nos cotisations aussi doit baisser? Et 35% pensent qu'il faut diminuer les taxes qui sont prélevées sur notre brut au prorata de la baisse du montant des allocations maladie. Bref, si l'on touche moins, il faut payer moins. Il est normal que l'on cotise moins. Hors de question de cotiser la même somme en regardant notre argent s'envoler sans rien dire, m'a dit Michel de Liège. RTBF Mobile Info, Stéphane. Plusieurs camions sont entrés en collision sur l'E40 Aix-la-Chapelle Bruxelles à hauteur de Barchon. Le passage s'effectue via la voie de gauche. Défile sur 3 km, mais bon, 10 minutes de retard. Ça va, pas de panique en direction de Bruxelles. Attention également à cette perte de chargement liée à cet accident. Et puis sur le 411, par contre, c'est plus compliqué. Le 411 qui relie Namur à Bruxelles, à hauteur d'Overace, un accident a eu lieu et les voies centrales et de droite sont neutralisées. Il y a des files sur 4 km et là, vous perdez 35 minutes en direction de la capitale. À part cela, pour rejoindre Bruxelles, ça se passe bien. Sur le ring, moins de 5 minutes sur sur l'ensemble des tronçons, tant en circulation intérieure qu'en circulation extérieure. Des travaux qui vous ralentissent sur le 42 Namur, Mons-Namur, pardon, entre à hauteur de Courcelles en direction de Namur, 5 km et 10 minutes en plus. Et puis d'autres travaux sur l'A54 Nivelles-Charleroi, hauteur de Buzet en direction de Charleroi, des files sur 2 km. À part cela, eh bien, la circulation se fluidifie, Benjamin. Blavier, mon partenaire pour construire ma maison. Maison Blavier. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Dans un instant, j'attends un nom dans la question qui dérange. La Fédération des étudiants francophones demande un contrat de bail type obligatoire qui permettrait de sous-louer son logement. Je loue à quelqu'un qui va lui-même louer à quelqu'un. Est-ce que c'est dangereux pour le bien du propriétaire? J'attends un nom après la pause. À la maison, profitez plus ensemble. Regarde mon cœur, la robe de cette actrice. Elle m'irait bien, non? Je like. Oui, et les chaussures, elle est top cette paire, non? Je like. Et le sac à main assorti, je le prends? Je like. Mon cœur, c'est toi que je like. Pendant qu'elle regarde son film à la TV, il surfe sur Facebook grâce à l'internet ultra rapide et la télévision digitale d'Orange. Vous aussi, profitez plus et payez moins. À partir de 39 euros par mois, vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Conditions sur orange.be. Les souvenirs de vos vacances s'effacent, la pression vous gagne peu à peu. Lâchez tout et venez vous évader à l'hippodrome de Wallonie. Originalité, spectacle et émotion seront au rendez-vous ce dimanche 18 septembre dès 14h à l'occasion des finales du Derby. Au programme, courses de qualité, bar à cocktail, show équestre et animation gratuite pour les enfants. N'hésitez plus et rendez-nous visite ce dimanche 18 septembre dès 14h à l'hippodrome de Wallonie. 4 euros l'entrée, gratuit pour les moins de 16 ans. Hippodrome de Wallonie. 31 route de Wallonie, Aglin ou sur hippodromedewallonie.be. On n'est pas des pigeons, vous non plus? Alors rendez-vous dès 11h sur Vivacité. Bienvenue au driving de Renault Motors. Et pour monsieur, ce sera? Oui, je voudrais la chicken nouvelle Renault Clio, s'il vous plaît. Et comme boisson? Une grande garantie, arrosée d'une assistance. Un dessert? Un bouquet d'entretien et durant 5 ans, s'il vous plaît. Dans un compte? À partir de 139 euros par mois? Ah, mais c'est parfait, ça! Bien, monsieur, vous pouvez avancer vers votre concession Renault Motors, c'est la plus proche. Partout dans le Brabant Wallon. Pendant les 13 semaines du beau vélo de Ravel, Vivacité vous emmène découvrir un site touristique ou un musée de Wallonie et de Bruxelles en famille. Écoutez le 5 à 7 pour gagner les 4 entrées mises en jeu. Une belle occasion de s'offrir une sortie familiale estivale en collaboration avec Ciné-Télé-Revue et 365.be. C'est vous qui le dites, la question qui dérange. C'est une demande des étudiants. La FEF, qui est donc la Fédération des étudiants francophones, et son homologue flamand de la VVS viennent d'élaborer une position commune sur le logement et demandent donc à la ministre, notamment bruxelloise, de tenir compte de leur position. Alors les étudiants veulent une garantie locative d'un mois. Ils veulent un contrat de bail type à utiliser et c'est là l'astuce. Ils veulent donc que ce contrat de bail type obligatoire permette de sous-louer le logement. Permettre de sous-louer d'office, par défaut, automatiquement. Est-ce que c'est dangereux pour le bien du propriétaire? Sachant qu'on parle donc bien d'étudiants, dans un système de logement type cote et dans des villes où les Erasmus sont nombreux. Donc il y a du mouvement, il y a une population internationale qui vient un temps limité. Mélanie Joris, dans ce dossier, vous cherchez le bon interlocuteur. Avez-vous un nom? Oui, un nom, ce sera Olivier Hamal, c'est le président du syndicat national des propriétaires et c'est lui qui se joignera à nous pour faire cette interview. Alors pour lui, ces propositions faites par les deux fédérations étudiantes, francophones et néerlandophones, sont d'arrière-garde. Il estime qu'elles ne font qu'enfoncer des portes déjà ouvertes. Pour résumer, il s'agit d'un effet d'annonce plus que d'une réelle réforme, puisque cette réforme des baux estudiantins, eh bien, elle a déjà été annoncée et elle entrera en vigueur en début d'année prochaine. Alors le syndicat a aussi une crainte quant à ces baux toujours plus précis, toujours plus cadenassants pour les propriétaires. Eh bien, ceux-ci pourraient finir par se détourner du logement étudiant et cela pourrait aboutir à une pénurie dans ce type de logement. Olivier Hamal voit tout de même un point positif à cette proposition faite par les fédérations étudiantes. Des points devaient être corrigés concernant les cautions et les états des lieux. C'est maintenant chose faite. On parle donc de sous-location. Je loue à quelqu'un qui va lui-même louer à quelqu'un. Si vous avez un éclairage dans ce dossier, laissez-le à Zoé au standard. Et le problème pour André de Quévrin, c'est que les étudiants n'ont pas besoin de sous-louer un appartement. Soit ils sont aux études et ont besoin de leur cote, soit ils arrêtent l'UNIF et trouvent avec l'accord du propriétaire un repreneur. Pas besoin de jouer aux agents immobiliers, nous dit André. Permettre de sous-louer d'office par défaut automatiquement, c'est dangereux pour le bien du proprio. Rendez-vous à 10h45. C'est vous qui le dites. En attendant, vous avez choisi une conversation sur le montant des allocations maladie qui va baisser puisque Maggie de Bloch change la méthode de calcul. Quand on est malade, sans son salaire complet, on peut faire avec combien dans le fond ? 070 233 466 par SMS au 3063. Vous entrez dans la conversation quand vous le souhaitez. Serein est en ligne. Mohamed, bonjour. Bonjour. Vous, le chef d'équipe Arcelor, vous allez bientôt tomber en arrêt maladie ? C'est ça. Quand ? En fait, je me suis fait opérer il y a 9 ans, on m'a mis des vis et des chevilles dans la cheville. Et là, il y a beaucoup trop d'arthrose, donc on doit me les bouger, bloquer la cheville, faire une greffe de hanche, là, à la cheville. Et quand j'entends ça, ben, je me demande si je ne veux pas perdre ma cheville, continuer à travailler. Mais donc cet arrêt maladie, il va tomber après le 1er octobre ? Le 16, vendredi, je dois aller faire un scanner. Et puis la date d'opération va tomber, je ne sais pas quand. Donc votre intérêt, c'est de tomber dans l'arrêt maladie avant le 1er octobre. Mais prenons le pire scénario. Je n'ai pas d'intérêt. Parce que là, quand j'entends ça, j'ai l'impression que les gens pensent que les gens aiment bien être malades. J'ai pas d'intérêt d'être malade. J'aime mon boulot. Ah mais quand on est malade, on est malade. Voilà. Cette intervention, ce que vous allez devoir traverser comme épreuve, ça va prendre combien de temps si vous vous arrêtez ? Mais entre 4 et 6 mois, il m'a dit. 4 et 6 mois. Votre salaire complet, c'est quoi en ce moment, Mohamed ? C'est à peu près 2000 euros. Est-ce que dans ce salaire, il y a des primes, des heures supplémentaires et d'autres astuces ? Mais je perds déjà tous les chèques repas. À 8 euros le chèque repas. Vous faites le calcul, on travaille 20 jours, ça fait quand même une belle petite somme. Les primes de pause. Donc voilà. En prenant le système actuel, s'il vous reste 60% de votre salaire, c'est 1200 euros. Mais on sait que demain, ce sera moins de 1200, puisque le système de calcul a changé. Vous pourrez tenir ? Vous avez de l'aide ? Vous comptez que je paye pas supplémentaire pour 2 enfants. Vous comptez que je paye toujours à la maison avec mon ex-femme, parce que j'ai envie que mes enfants aient une maison. Faites le calcul, je paye 400 euros, donc la moitié de la maison avec elle. Faites le calcul, 360, 400 euros, regardez ce qui me reste. Alors quel est l'impact de cette modification, c'est que les gens vont hésiter à être malades ? Mais j'ai dit à votre collègue, je ne pense pas faire opérer et perdre ma cheville un jour. Parce que le chirurgien m'a dit, vous allez perdre votre cheville. Et tant pis pour moi. Mais vous faites le choix de l'argent avant le choix de la santé. Mais dans ces cas-là, je n'ai pas... C'est même pas un choix. Dans ces cas-là, je n'ai pas le choix. Vous dites quoi, Maggie de Bloch, ce matin ? Il faut vivre. Vous dites quoi, Maggie de Bloch, ce matin ? J'ai dit à Maggie de Bloch et tous ses collègues, je n'ai jamais entendu un ministre dire on va se diminuer pour faire des économies. Ah ben c'est pour faire une économie dont le montant n'est pas communiqué, mais vous avez entendu Demetrio tout à l'heure nous dire mais si, ils le connaissent, sauf que nous on l'a pas. Mohamed, vous êtes à Serein face à ce terrible choix. Il est 10h41, on appelle les experts. Un représentant des travailleurs pour commenter, c'est le secrétaire général de la FGTB, Jean-François Tamellini en ligne, bonjour. Bonjour, secrétaire fédéral, hein, je préfère préciser. Secrétaire fédéral, je fais lapsus en lisant mal ma feuille pour tout vous dire. Pas de souci. Jean-François Tamellini, prenons la méthode de Bloch pour voir ce qui coince. Donc on va maintenant calculer mon allocation maladie en enlevant les heures sup, les primes d'ancienneté, les primes de participation au résultat, les primes de tutorat. Enlever tout ça, c'est enlever un gros montant du salaire ou c'est anecdotique ? Non, ça peut monter très vite parce que vous faites référence notamment aux heures supplémentaires. En fait, ce qui est dit dans les textes qu'on a reçu la proposition hier, c'est de dire jusqu'à 10% du montant du revenu total du travailleur, on pourra le retirer et donc ne plus le prendre en compte pour le salaire de référence pour l'indemnité de maladie. Donc ça peut très vite monter à des montants assez élevés. Vous l'avez dit, j'ai entendu l'auditeur précédent, 60% actuellement moins demain de maladie. Voilà, on pourrait atteindre des niveaux de 50%, moins de 50% très rapidement. Et donc le différentiel entre le dernier salaire et l'indemnité de maladie va gonfler. Mais Maggie de Bloch dit qu'il y a une compensation. Et je voudrais que vous me disiez si elle est vraiment compensation ou s'il y a un piège. Donc on va plus, pour calculer la LOC, prendre en compte le dernier salaire moyen, mais on va remonter d'un trimestre. Ce qui permet à ceux qui étaient à mi-temps dans les derniers mois d'avoir un calcul qui est fait sur le moment où vous êtes encore à temps plein. C'est une bonne compensation ou pas ? Malheureusement, elle l'a dit elle-même, l'objectif c'est une économie budgétaire. Donc croyez bien qu'il n'y a pas de compensation. Ce que vous venez d'expliquer, ça veut dire que si des travailleurs ont été au chômage les mois précédents ou en intérim et compagnie, ça diminuera leur montant. Et donc leur seule logique est une logique d'économie budgétaire. Et donc c'est ce qu'ils font, il n'y a pas de compensation, ils évoquent les temps partiels. On leur demande de chiffrer, ils ne donnent aucun chiffre. On demande l'économie budgétaire qu'ils vont faire, ils ne donnent aucun chiffre. Et donc simplement, c'est sur le principe, pour nous, c'est ce que j'ai dit et je le répète, c'est de frapper des travailleurs qui ont déjà un genou à terre, qui sont malades, ils veulent faire des économies sur leur dos, et maintenant ils l'ont mis noir sur blanc, raison pour laquelle on a réagi négativement, évidemment. Vous connaissez l'enjeu, c'est remettre des malades de longue durée, notamment au travail. On sait que le gouvernement travaille à toute une série de mesures d'accompagnement pour remettre les travailleurs absents de longue durée au travail. Est-ce que ce mécanisme peut participer à ça? Je vais gagner tellement moins que je retournerai bosser. C'est assez cynique hein, comme philosophie et on n'entrera pas là-dedans. Nous, évidemment, nous travaillons sur les possibilités pour que les travailleurs puissent revenir si c'est faisable. Et donc, on réfléchit à tout un système. Mais il faut laisser un choix aux travailleurs. C'est-à-dire qu'ici, on impose aux travailleurs en leur disant « Tu ne sauras plus te nourrir ou fonctionner avec ta famille. Et donc, vu que tu ne sais plus fonctionner, tu reviens travailler dans des conditions qui sont épouvantables. » Je ne pense pas que c'est le modèle de société qu'on souhaite. En tout cas, la FGTB, pas du tout. Et donc, voilà, on ne peut que s'opposer à ce système-là. Le problème, c'est que le gouvernement a fixé un objectif budgétaire en disant il faut faire 2,6 milliards d'euros d'économie pour la fin de cette année, et après ils réfléchissent aux mesures qui leur permettent de faire ces économies budgétaires. C'est complètement irrationnel et c'est complètement meurtrier pour les travailleurs. Donc, on vous a proposé une porte ouverte de négociation, il y a moyen d'arranger ce texte ou c'est ça ou rien? Alors, en fait, c'est la définition de la concertation sociale de ce gouvernement. On l'a reçu hier au niveau du comité de gestion l'INAMI, de la sécurité sociale, hein, maladie. On nous a demandé notre avis. On a remis un avis négatif qu'on a argumenté hein, pour les raisons que je vous ai données. Ici, ça va retourner au gouvernement et le gouvernement va trancher. On a bien compris qu'il va trancher dans un sens qui ne sera pas favorable aux travailleurs. Donc voilà, concertation sociale à leur sauce et pas à la nôtre. C'est pas une vraie concertation sociale. Confirmation que ceux qui sont malades maintenant ne sont pas impactés par le système qui commence le 1er octobre. Hein. C'est ça, mise en application le 1er octobre. On nous dit déjà qu'il y a des problèmes, il y aura des problèmes d'application parce que le 1er octobre, c'est un peu trop court. Donc, ils vont peut-être jouer là-dessus. Mais dans les textes officiels qu'on a reçus hier, c'est la date, c'est le 1er octobre. Et donc, effectivement, les malades jusqu'au 1er octobre ne seraient pas impactés, sauf modification du gouvernement. Commentaire donc de la FGTB, dont vous êtes le secrétaire fédéral, Jean-François Tamellini. Merci de nous avoir rejoints. On va au 070-233-466. Zoé, ce constat, le nouveau calcul des allocations maladie ne prend pas en compte les intérimaires. Et c'est Bernard de Papigny qui fait ce constat. Si le calcul du montant des allocations maladie se fait sur les 3 derniers mois, alors les intérimaires vont se retrouver le bec dans l'eau. Il suffit que vous ayez travaillé 2 jours ou 1 semaine, les 2 mois précédents, que votre employeur ne vous ait pas rappelé. Et ben vous vous retrouvez peut-être avec moins de 60% d'une semaine sur un mois. Pour Bernard, c'est illogique, il ne comprend pas. Les intérimaires, les indépendants ont aussi le droit d'être malades. C'est injuste de ne pas les mettre au même régime. Et dans un instant, autre dossier dans la question qui dérange, les étudiants francophones veulent pouvoir sous-louer le logement. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour les propriétaires, sous-louer? La question qui dérange après ceci. La 2 en télé. Rentrez en rire et en fanfare avec une équipe survitaminée. Bonjour Madame Milquet. Bonjour Monsieur Le Borgne. Les fripouilles ont pris le pouvoir. Ne manquez pas la rentrée du Grand Cactus ce jeudi sur La 2. Vous avez raté un ou plusieurs épisodes de la 2e saison de la websérie Pas de stress. Ayez le bon réflexe et regardez vos épisodes où, quand et comme vous voulez sur rtbf.be/ovio. A-U-V-I-O. RTBF Ovio, libérez vos envies. Vive à Bruxelles. En toute complicité. Sur 99.3 FM. Sévère. Et oh, sévère. Quoi ? Sévère, je te dis. Ben voilà, c'est rouge. On se sent tellement bien à bord du nouveau Citroën C4 Picasso, bénéficiant du Citroën Advanced Comfort avec navigation connectée et pack lounge. Venez le découvrir dans nos points de vente et profitez en septembre de nos conditions exceptionnelles sur toute la gamme. Citroën. Infos et conditions sur citroën.be. Viva Vivacité présente, en partenariat avec Engie Electrabel, le beau vélo de Ravel. Venez redécouvrir ce dimanche, sans voiture, Bruxelles ma belle. Rendez-vous dès 10h pour déjeuner sur l'herbe, au pied de l'Atomium. À 13h, tous en selle avec Joël Scorils. Et à 16h, concert gratuit de Willy William et Magic System. Venez bouger avec nous, ça vous fera un bien fou. Avec le soutien de la Wallonie. En forme pour préparer le beau vélo de Ravel avec Engie Electrabel. Cuisine Xina. Les fêtes sont en avance chez Xina. Commandez en septembre, nous installons en décembre. Xina.be, c'est bien pensé. C'est vous qui le dites, la question qui dérange. La FEV demande un contrat de bail type obligatoire qui permettrait de sous-louer son logement. Sous-louer, est-ce que c'est dangereux pour le bien du proprio? On appelle le syndicat des proprios dans une seconde. D'abord, un dernier éclairage au standard, Zoé. Et pour Louise de Libramont, le problème, c'est qu'on ne fait pas assez confiance aux étudiants qui seraient capables de trouver un repreneur convenable. Le syndicat national des propriétaires, son président, ligne Olivier Amal, bonjour. Oui, bonjour. Avant de parler des étudiants, sur le principe, est-ce que la sous-location vous gêne ou vous y voyez un bel outil de flexibilité? Je ne suis pas dans mon logement pendant un temps, un étranger a besoin de ce logement pendant un temps, il y a match. Est-ce que sur le principe, vous êtes favorable? Il n'y a pas nécessairement d'opposition à cela, d'autant plus que je dirais le locataire principal va rester solidairement tenu de tous les engagements pris. La seule chose qu'il y a évidemment, c'est que ça ne doit pas se faire n'importe comment, à n'importe quelle condition, et d'éviter que ce sous-locataire, évidemment, que l'on installe dans les lieux peut-être temporairement, ne soit là pour, je dirais, une durée indéfinie. Donc je pense qu'il y a une série de règles qui doivent être reprécisées à ce sujet, et que ce soit la région wallonne ou la région bruxelloise, ils travaillent pour l'instant. Est-ce que vous souhaitez que le propriétaire du logement ait un œil sur le choix de ce sous-locataire? Parce que le propriétaire a un œil sur l'étudiant qui va louer le cote. Prenons maintenant le dossier étudiant. Le propriétaire choisit son étudiant, en quelque sorte. Est-ce que vous souhaitez qu'il ait un œil sur le sous-locataire? Il est légitime, évidemment, que le propriétaire sache qui occupe le logement qu'il donne en location. Ce sera un peu trop facile, évidemment, à un moment donné, de pouvoir mettre tout et n'importe quoi. Et je dis, évidemment, qu'il faut tenir compte, surtout dans le logement étudiant, que ça doit s'inscrire dans un cadre plus large, où, généralement, il y a d'autres personnes, je dirais, qui occupent les lieux, d'autres étudiants. Et tout ça doit pouvoir se faire, évidemment, en harmonie et dans le respect des uns et des autres. Vous avez entendu la prise de position donc, des étudiants francophones et flamands, la FEF et la VVS, qui demandent donc ce contrat de bail type et dans lequel on prévoirait quasi automatiquement la possibilité d'une sous-location. Donc la sous-location ne serait plus une exception. Alors, il faut savoir que tout d'abord, je pense qu'un peu la FEF est en train d'enfoncer des portes, puisque des discussions sont en cours tant à la région wallonne qu'à la région bruxelloise pour prévoir un bail spécifique qui est un bail étudiant, et toute une série d'autres dispositions d'ailleurs. Et dans l'un et l'autre cas, la problématique de la sous-location sera envisagée, est envisagée avec des garde-fous. Et moi, je mets en garde la FEF contre toute une série d'initiatives qu'elle voudrait voir prises, parce qu'à un moment donné, il faut être bien conscient que les propriétaires ne sont pas obligés de louer à des étudiants, et que cela pourra avoir comme conséquence, à terme, une raréfaction du nombre de logements pour étudiants et une augmentation des prix. C'est une menace? Ça sonne comme une menace. Mais c'est le droit d'un propriétaire, à un moment donné, de ne pas souhaiter faire le bail étudiant. Mais ça sonne comme une menace. Une menace, ça sera tout simplement le marché, que les choses soient claires. Si à un moment donné, on met trop de contraintes à telle ou telle formule de bail, et notamment le bail étudiant, eh bien, les propriétaires, pour un moment donné, disent tout compte, moi, nous allons louer à un autre type de public parce que nous ne voulons pas rentrer dans le bail étudiant. Oui, mais alors, c'est pour essayer de décoder, Olivier Amal. On discute et on décode en même temps. Là où, en début de conversation, vous me dites sur le principe de la sous-location, j'ai pas de doute, il y a quand même ici un petit œil très attentif et très sévère. Ça veut dire que vous vous méfiez des étudiants. Non, je pense que vous confondez les mesures. Vous avez parlé de sous-location. Moi, je vous parle maintenant de toute une série d'autres mesures qui sont envisagées. La garantie locative d'un mois, c'est celle-là qui vous gêne, la garantie locative d'un mois? Là, la loi réglera ce problème-là. Mais je pense notamment à toute une série peut-être d'autres initiatives comme un bail type obligatoire, ça il n'en est pas question. Et d'ailleurs ni la région wallonne ni la région bruxelloise n'envisagent le caractère obligatoire d'un bail type qui sera là uniquement à titre informatif. Et puis indépendamment de ce qu'un bail contient, les dispositions qui vont être prévues par la loi auront un caractère impératif et qu'elles soient prévues ou non dans le bail, elles s'appliqueront et nous verrons en temps voulu ce que le législateur, tant bruxellois qu'au wallon, retiendra. Très concrètement, je loue mon bien à un étudiant qui va faire de la sous-location. Qu'est-ce qui se passe si l'étudiant sous-loue et fait un petit bénéfice? Qu'est-ce qui se passe? Ça, écoutez, c'est, je dirais, c'est son problème, et je pense que ça serait intellectuellement malhonnête vis-à-vis, je dirais, de son sous-locataire. Le propriétaire pourrait se retourner contre? Le propriétaire ne pourra pas se retourner contre cet étudiant, mais vous admettez quand même que c'est un peu particulier dans le chef du locataire principal, à un moment donné, de chercher lui-même à faire un profit et de louer à un loyer encore plus cher, ce qu'on pourrait déjà reprocher au propriétaire d'avoir loué peut-être un loyer qui était peut-être déjà trop important par rapport aux possibilités de l'étudiant locataire principal. Il faut quand même admettre que c'est un peu particulier ce que vous me demandez là. En 30 secondes, Olivier Hamal, dans les cas très concrets, en 30 secondes, c'est le temps qui nous reste. Le sous-locataire, vous souhaitez qu'il paye une garantie locative ou le sous-locataire, il ne paye qu'un loyer? Ben, le sous-locataire, il réglera ses problèmes avec le locataire principal. Le bailleur aura déjà évidemment la garantie de son locataire principal. Donc, je ne vois pas l'intérêt pour le bailleur, qui de surcroît n'a aucun lien contractuel direct avec le sous-locataire, doivent demander à celui-ci, je dirais, une garantie. C'est une info en soi. Sur le principe, vous n'êtes pas contre la sous-location, mais pour toutes les autres demandes étudiantes, attention qu'on ne vous refuse pas. Vous êtes le syndicat national des propriétaires, Olivier Hamal. Merci de nous avoir rejoints ce matin. On marque une nouvelle pause et puis on voit ensemble les enseignements de ce mercredi. Oh chérie, c'est ouvert! Mais quoi? Mais Gautier, le magasin de mobilier contemporain! Gautier? Votre premier magasin Gautier en Belgique vous propose des conditions exceptionnelles d'ouverture au 246, chaussée de Waterloo à Rhodes-Saint-Genèse, à côté de Deauville. Vive à Bruxelles! En toute complicité! Sur 99.3 FM. Vive à Bruxelles présente les Nocturnes des musées bruxellois. C'est reparti. Chaque jeudi soir jusqu'au 8 décembre, au moins 5 musées bruxellois vous ouvrent leurs portes avec un tas d'animations. Rendez-vous le jeudi 15 septembre pour le grand vernissage gratuit et le village des musées, rue américaine à Saint-Gilles. Info nocturnedesmuseesbruxellois.be. Imaginez-vous vivre dans une maison Étienne Piron. Laissez-vous guider et découvrez notre savoir-faire unique le week-end des 17 et 18 septembre de 11 à 18 heures, rue de la Potresse à Bouges. Étienne Piron, symbole de qualité. Hyundai, c'est automézer. Hyundai, automézer. Les meilleures conditions et jusqu'à 5 ans d'entretien, de garantie et d'assistance. Ils sont tout pour me plaire. Hyundai, automézer. 542 chaussée de Louvain, proximité Mézières. Mitsubishi chez Renversante, condition septembre en. Vous voulez dire en septembre, condition renversante chez Mitsubishi? Ça c'est. Ok, d'accord. En septembre chez Mitsubishi, condition renversante sur toute la gamme. Vous allez jeter un fameux coup d'œil dans le rétroviseur ces 17 et 18 septembre à Francorchamps. Les Space X Hours vous propose de remonter le temps pour vivre les plus belles courses de voitures anciennes, dont les F1 des années 60 et 70 et les fameuses 6 heures historiques. Programme complet sur spacexhours.com. Vous souhaitez gagner une nouvelle plaine de jeu pour votre commune? Rapportez toutes vos piles usagées dans un point de collecte Bébat de votre commune entre le 1er et le 30 septembre. Si votre commune collecte le plus de kilos par habitant, cette nouvelle plaine de jeu Bébat sera pour vous. Pour plus d'infos, regardez vite sur bébat.be. Bébat! Recycler ensemble, c'est mieux pour la nature. Chaque matin, Benjamin Maréchal vous donne la parole. C'est vous qui le dites. Et nous voici au moment des enseignements. On commence par le débrief questions qui dérange. Des étudiants qui vont sous-louer leur cote à d'autres. Contents ou pas contents, les propriétaires? Sur la page Facebook, Marion Jomotte. Vous êtes 40 963 à faire le débat sur la page Facebook de C'est vous qui le dites. Pour Thierry, la réponse aux étudiants est simple. Si le propriétaire dit pas de sous-location, c'est pas de sous-location. Si ça ne convient pas à l'étudiant, eh bien il n'a qu'à pas signer le bail ou l'arrêter. C'est ce qu'on peut lire sur la page Facebook de C'est vous qui le dites. Vous avez choisi une conversation sur le montant des allocations maladie qui va baisser puisque Maggie de Bloch change la méthode de calcul. À la question « Est-ce qu'on peut faire avec moins de 60% de son salaire ?» Eh bien, vous avez tous répondu « Non ». Sans donner de solution. C'était un débat, c'est assez rare d'ailleurs, un débat sans réponse ce matin. Que faire dès lors? Nous ne savons pas. La seule idée a été émise par Christine, avoir mis de l'argent de côté avant, mais ça nécessite effectivement une légère anticipation. Et puis l'astuce, on va calculer donc l'allocation sur base non plus du dernier salaire, mais sur base du salaire du trimestre précédent. Eh bien, vous aurez noté que dans les appels de ce matin, personne n'était vraiment concerné par cette astuce, puisque personne n'a eu de variation de salaire dans les 4 derniers mois. Dernière personne à laquelle vous avez parlé au standard, Zoé. Et c'était Louis de Solière. Il était ingénieur, il a touché près de 3600 euros par mois, et ce pendant plusieurs années. Louis a fait un grave burn-out après son divorce. Payé un an avec sa mutuelle plafonnée à 1800 euros par mois, il touchait seulement 50% de son salaire initial. 1800 euros, ça peut paraître beaucoup, mais avec 1250 euros de prêt immobilier par mois, il ne reste que 550 pour tout le reste. À 9h, il y avait 3 débats sur la table et vous avez choisi d'aller plus loin sur les malades belges qui demain toucheront moins. Parmi les moments de ce matin, il y a eu Christine de Ruette à 10h15 avec moins de 60% de son salaire par mois. Elle souhaite à Maggie de Bloch de ne jamais tomber malade. J'ai un grand message à faire passer à Madame Maggie de Bloch, c'est que je lui souhaite dans sa vie de ne jamais avoir de problème médical. Il faut faire avec ce que la mutuelle vous donne. Ça fait quand même 24 ans que moi je travaille et que je paye mes cotisations. Ici, j'ai eu quelque chose qui n'était pas un accident, donc c'est vraiment une maladie qui peut tomber sur tout le monde. Et je dois faire avec ce qu'on me donne maintenant, et franchement, c'est pas évident. Pour vivre franchement, correctement, il faudrait quand même... Moi j'étais à 1700 de la mutuelle, un an après je suis descendu à 60%, donc je suis à 40 maintenant, je n'ai que 1100, 1200 euros. Et avec ça, c'est très dur à faire les fins de mois. Je ne vendrai sûrement pas la maison, ça c'est clair. Mes factures seront payées, mais je ferai comme les personnes étrangères. J'irai me poster devant mon hôtel de ville à Tournai. C'est impossible que la priorité soit les soins. J'ai fait même une grève de la faim parce que c'était plus possible de me soigner. J'ai arrêté mes traitements de chimiothérapie pendant un an. C'est plus possible, quoi. Même avec ce qu'on a maintenant, on pleure tous les jours. On n'a plus de vie sociale, on n'a plus rien, quoi. Moi, je suis toute seule, un loyer, les médicaments, etc. C'est plus possible, c'est pas possible. Moi, je trouve qu'il faut une gestion rigoureuse dans l'état des choses actuelles, mais je crois qu'ils vont chercher dans les mauvaises poches. Parce que quelqu'un qui est malade a des besoins que quelqu'un qui est valide n'a pas. Ça veut dire médicamentation, soins de médecin, kiné, des déplacements intempestifs vers les hôpitaux et les consultations de spécialistes. Donc, évidemment, à la fin du compte, il lui resterait que ses yeux pour pleurer si elle était seule. Vous souhaitez continuer la conversation? Vous avez un avis qui n'a pas été entendu ce matin? Alors ne râlez pas, laissez-le sur la page Facebook de C'est vous qui le dites. À demain.